Indestar présente l'émission à la maison. Jusqu'à 23h, sujet, débat, jeu et encore beaucoup plus. On passe la soirée ensemble sur Indestar. Exactement les enfants, la soirée du vendredi soir jusqu'à minimum 23h avec vous dans cette émission à la maison. Alors je suis en studio ce soir, il y a également Jolan. Alors Jolan, toi tu es chez toi, confortablement installé derrière ton siège geek, ton bureau de geek. Et ça tombe bien parce qu'on va parler de jeux vidéo ce soir, donc t'es pile poil dans le thème. Hein, pour le coup. Comment s'est passée ta semaine, Jojo? C'est très bien passé. Je l'ai pas vu passer, figure-toi. D'habitude, comme je travaille pas, je les trouve un peu longues les semaines en ce moment, comme on peut pas retourner aux locaux. Et puis, on n'a pas les émissions hebdomadaires actuelles, c'est compliqué. Et on ne peut pas sortir le soir au-delà de 18h, donc forcément, voilà, ça complique aussi un peu les choses. Forcément, ça chamboule tout. Mais du coup, ouais, je l'ai pas vu passer. J'ai vu mes parents et tout. J'ai papoté avec eux. Puis là, je suis avec mon chat tranquille. D'ailleurs, il est en train de me bouffer les pieds. Donc, oui, parce que alors, ceux qui ont suivi les émissions, effectivement, tu as adopté un petit chaton la semaine dernière. Ça fait une semaine que je l'ai maintenant. Une semaine qu'il est à la maison. Ouais, il a découvert. Il s'est très bien fait chez toi, finalement. Il est super à l'aise. Hein. J'ai envoyé des photos, mais il se met sur mon siège. Il finit avec moi sans problème. Un petit chat noir, qui squatte l'appart. Et donc c'est ton nouvel animal de compagnie, mais c'est bien, ça fait une compagnie là pendant le confinement. C'est ça. Et apparemment ça porte malheur les chats noirs. Oui, c'est ce qu'on dit, mais si tu passes en même temps sous une échelle, ça va. Tu vois, il faut faire les deux en même temps. Ou pas, je sais pas, j'invente. En tout cas, pour les auditeurs qui veulent savoir, la cohabitation se passe très bien. Tu fais de la colocation en fait finalement avec mon chat. Oui, en gros, c'est un peu mon coloc. C'est ça. Martin, ta semaine, ça se passe comment? Ça s'est passé comment? Ma semaine, c'était de l'apprentissage, parce que j'étais en train de donner naissance à un PC, si figurez-vous. Tu es en train de monter ton propre PC? C'est ça, je viens de finir de le monter aujourd'hui. Ouais. Et du coup, je suis très content parce que je n'y connaissais rien du tout à l'époque, il y a encore 2-3 semaines. Et j'ai appris tout ça et là il a l'air de bien fonctionner. J'ai encore 2-3 trucs à régler. Et du coup, je suis très satisfait. Et t'as appris comment Pardon, Jolan? Non, vas-y, je voulais savoir, c'est peut-être indiscret, mais le budget que t'as mis pour. Parce que comme c'est. C'est quoi? C'est un PC gaming? C'est un PC de bureau? C'est pour faire quoi avec? C'est quand même un PC gaming et j'ai dû mettre en comptant tout, c'est-à-dire avec écran et tout, je dois en avoir pour 1000 euros quand même. D'accord. C'est le prix d'un PC. C'est vrai que de monter son PC soi-même, ça permet de faire des économies. Alors, d'une part, ça permet de faire des économies et d'autre part, ça permet de mettre exactement le matériel dont tu as besoin. Parce que tu parles de PC de gaming, alors après, ça dépend ce que tu fais aussi d'autres sur ton PC. Mais par exemple, ceux qui jouent, alors aujourd'hui, tu as besoin d'un petit peu de place quand même pour mettre les jeux, mais tu n'as pas besoin de 4 teraoctets par exemple pour stocker des données. Donc, tu peux te permettre de mettre un SSD. Quelque chose d'assez rapide de miser plus sur la carte graphique ou la mémoire plutôt que sur le nombre de places que tu peux avoir sur ton disque dur. Donc en fait c'est ça qui est cool, c'est que ça te permet vraiment d'avoir le PC qu'il faut, alors que sinon si t'investis 1000 balles dans un PC, t'as un PC qui est relativement performant à peu près sur tout parce qu'il est homogène mais qui est pas forcément t'es tranquille pendant quelques années, tu peux changer les pièces et tout. Alors sur un PC que t'achètes en magasin aussi, cela dit c'est vrai que pour la garantie c'est pas forcément faut top éviter, parce éviter, quoi. Disons que sur les deux premières années, enfin l'année de la garantie, si t'as acheté les pièces indépendamment, tu peux te permettre d'aller racheter des pièces à droite à gauche, alors que sinon à partir du moment où t'ouvres le PC, ça y est, la garantie saute. Ça c'est un petit peu dommage. C'est ça. Très bien, ça c'était une première pour toi et ça tombe bien aussi puisque tu nous parles de PC gaming et que le sujet du soir c'est le jeu vidéo. Vous êtes parfait les gars, là vous avez cartonné cette semaine. Sinon moi semaine plutôt classique, classique, boulot, dodo sans métro parce qu'on n'a plus le droit et parce qu'il n'y a pas de métro dans mon village non plus. Non, ils n'ont pas mis le métro encore en même temps. Encore, non. Donc toujours en télétravail hein, comme vous. ou peut-être aussi de l'autre côté de la radio. En tous les cas, ce soir, c'est tranquillement installé dans votre canapé, dans votre lit, dans la cuisine, où que vous soyez. Vous êtes à l'écoute d'Indestar sur indestar.fr, les applications d'écoute aussi, il y a les annuaires, et vous pourrez réécouter cette émission qui va être passionnante. J'en suis certain, émission spéciale jeux vidéo avec notre invité qui est Julien de Dynamic Game à Tours, que nous aurons normalement dans un instant. Alors, je dis normalement parce que vous entendez peut-être depuis tout à l'heure, il y a des petits sons de jeu, comme des sons de jeux vidéo. En réalité, c'est des sons qui viennent de Discord, qui est notre serveur qui nous permet de faire cette émission à distance. Et Julien, il n'est pas avec nous pour le moment. Ça ne fonctionne pas. Il y a des petits soucis pour l'instant. Ouais, donc on espère que ça le fasse d'ici 3-4 minutes parce que faire une interview d'un invité sans invité. Ouh, les amis. Oui. Ah, Daniel est avec nous. J'étais avec Julien. Apparemment, il a un problème de PC. Aïe. Il propose de passer par téléphone si ça vous gêne pas. Oui, alors je veux bien. C'est dommage qu'on ait pas pu tester avant pour le coup. Mais par téléphone avec notre serveur, j'espère que ça va pouvoir le faire. Je te laisse lui donner notre numéro de téléphone, Daniel, et puis on va essayer. Il faut qu'il appelle en espérant que les deux fassent. Je repasse en silencieux. Hein. Ouais, repasse en silencieux. C'est dommage, il va pas pouvoir. Il nous expliquera sa semaine après, Daniel, parce que je suis sûr qu'il y a eu une semaine. Okay. Daniel est un peu notre geek aussi de l'équipe, mais geek en. Genre vrai geek, c'est-à-dire le mec qui sait manipuler l'électronique. Comme tu l'as dit, le boomer quoi. Non mais c'est rien, c'est une question de génération. Mais pour moi un geek c'est une personne qui sait manier un petit peu l'électronique. Et c'est le cas. Ah mais attends, est-ce qu'on n'aurait pas Julien avec nous? Oui, je suis là, ça y est. Ah super, Dieu de la technique est avec nous. Petit problème technique résolu, ça y est. C'est bon, fini. Bah c'est génial. Alors, on a cru que ça allait merder sévère ce soir. C'est très bien. Donc Julien, Le Dieu des geeks n'était pas avec nous. Hein. Oui, mais oui, mais c'est toi. Tu vois, tu nous as fait, tu nous as soudé un petit condensateur là, Daniel, et puis hop, le problème est résolu. Ouais, bah, je l'ai fait de manière mystique comme l'émission de lundi. Hein. Bien sûr, évidemment. Julien, ravi de t'accueillir sur l'antenne d'Indestar. Bien le bonsoir. Bah, ravi d'être là. Bonsoir à tous. Ouais. Bonsoir. Comment s'est passée ta semaine, Julien, avant qu'on parle plus précisément de ce que tu fais dans la vie et tout ça, tout ça? Bah écoute, c'est un peu comme l'actualité en ce moment, c'est un coup ça va, un coup ça va pas, donc semaine un peu mitigée on va dire. On va revenir hein, bien sûr sur ça, la situation des points de vente en ce moment et du secteur du jeu vidéo. Daniel, la semaine s'est bien passée pour toi? Moi oui, elle se passe bien, elle est remplie, comme tu disais tout à l'heure, je geek toujours un peu, pas obligatoirement au niveau des jeux vidéo, mais j'ai beaucoup d'occupations technologiques actuellement, et elles sont très très remplies mes semaines, parce que comme je t'ai expliqué, j'ai un projet professionnel qui est en train de se faire. D'accord. Et je travaille dessus, j'ai beaucoup plus de travail que prévu, alors faut mettre les bouchées. Et le travail, c'est la santé en même temps, donc tout va bien. Oui, alors comme je ne suis pas égoïste, j'ai envie de laisser la santé aux autres et le travail aux autres, tu vois. Ah, bah moi je laisserai le travail aux autres, mais je garderai la santé. Hein. C'est peut-être pas idiot ça. Chacun son truc après. Mais c'est bien de partager, t'as tout à fait raison. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter Tiffany Elvord qui reprend Taylor Swift avec You Need to Calm Down. Et dans un instant, Julien, on va te poser quelques questions parce qu'on a envie d'en savoir plus sur ce que tu fais dans la vie, sur la passion que tu partages pour le jeu vidéo, puisque c'est le sujet de ce soir, spécial jeu vidéo. On aura l'occasion d'en parler toute la soirée avec un quiz bien sûr au programme, et puis on aura chacun des sujets qui traiteront le jeu vidéo, et bien entendu tu seras amené à intervenir dans ce qu'on pourra dire. On va remonter peut-être très loin hein, dans les années 60-70, vraiment le début du jeu vidéo, pour arriver sur une vision un peu futuriste, comment on voit le jeu vidéo dans les années à venir. C'est sur Indestar ce soir dans cette émission à la maison du vendredi soir, et avant cela on commence cette émission par Tiffany Elvord, voici Yone To Calm Down sur Indestar. Jusqu'à 23h, l'émission à la maison, c'est sur Indestar. Indestar et l'émission à la maison ce soir, spécial jeu vidéo avec vous tous, et puis avec l'équipe bien sûr qui est là. Il y a Martin, il y a Daniel, et puis il y a Jolan ce soir. Une équipe de mecs hein, ce soir pour parler de jeux vidéo, c'est pas cliché du tout. Hein. Pourtant, pourtant, je ferai une précision. Oui. Statistiquement, en 2018, il y avait pratiquement autant de femmes que d'hommes qui déclaraient jouer aux jeux vidéo. Ouais, et je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ce phénomène avec Julien, parce que moi, j'ai ma petite idée sur ce pourquoi, justement, le marché du jeu vidéo se développe et à peu près à 50-50 aujourd'hui. Julien de Dynamic Game de Tours qui est avec nous ce soir en invité. Salut Julien. Yes, salut. Salut à tous. Julien, merci déjà d'être avec nous ce soir pour nous parler de ta passion du jeu vidéo. On va revenir aussi. De rien, merci à vous. Avec plaisir. On va revenir un petit peu aussi sur ton parcours. Je crois que Jolan, tu avais quelques questions justement sur le parcours de Julien. Oui, bon, c'est des questions bénines, hein, mais bon, c'est toujours bien de les poser. Je voulais savoir quelle étude t'as fait pour devenir vendeur de magasin, en fait, enfin, vendeur de jeux vidéo en magasin, pardon, excuse-moi, je suis pas clair. Il n'y a pas vraiment d'études spécifiques à suivre. J'ai commencé tout petit à jouer et très vite. J'ai su que c'était un peu mon domaine. La programmation, c'était pas trop mon truc parce que niveau études, il faut beaucoup d'études. Donc je me suis, je suis pas très scolaire, je me suis pas lancé là-dedans. J'aime bien le contact des gens, donc très vite j'ai senti qu'il fallait que j'aille plus vers la vente. Et après, il suffit de suivre un cursus de vente classique. Donc ça peut aller, le bac suffit. Après, si on veut pousser un peu plus loin en termes de responsabilité, on peut aller jusqu'au BTS, la licence. Après, au-delà, c'est pas nécessaire. Moi, j'ai un BTS, mais voilà, on peut commencer à partir du bac sans problème. Petite précision, tu es vendeur chez Dynamic Game ou est-ce que tu es gestionnaire du lieu ? Non, c'est mon propre magasin en fait, je suis indépendant. D'accord, indépendant, ok, très bien. Voilà, ouais. Donc au-delà de la vente, en fait, il y a tout un côté gestion à connaître ou à apprendre, quoi. Ah oui, faut mieux éviter de se lancer sans quelques connaissances, effectivement. On est d'accord. Ça, c'est clair. Il faut avoir les bases, quoi. Ouais. Jolan ? La deuxième question, c'était quelle école recommandes-tu pour faire ce métier ? Quels sont les mieux ? Ouais, parce que là, c'est BTS. C'est BTS de quoi que tu as fait ? Alors, moi, j'ai fait un BTS de management. Ouais. Alors, maintenant, je crois que ça a changé de nom. Je sais plus le nom exact, mais bon, c'est juste l'intitulé qui a changé, mais ouais, à l'époque, le contenu du... à l'époque, ouais. Ouais, mais ça fait vieux de dire ça, donc. Si c'est le même que moi, c'était un BTS MUC, alors c'était Management des Unités Commerciales. Je sais pas si c'est exactement ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, peut-être que ça a changé de nom. Alors finalement, ouais. Mais donc, après, tout dépend. Pour être vendeur, je vous dis, un bac peut suffire largement, alors que ce soit un bac pro ou un bac général. Il n'y a pas de bac spécifique, on va dire, à ce métier-là. Si on veut se spécialiser dans le jeu vidéo, c'est pas tant le diplôme qui va faire, c'est surtout la passion et les connaissances qu'on va développer autour qui vont nous permettre il s'y connaît, quoi. Voilà. Ah, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Je pense que Julien a raison parce que maintenant, le jeu vidéo, c'est 50 ans d'historique. Ouais. Et si devant le client, qui peut être un jeune de 15 ans ou un vieux comme moi qui a geeké sur les premières consoles, Julien arrive à avoir un dialogue constructif, quel que soit le client. Et là-dessus, c'est une réelle passion, d'ailleurs, qu'ont les vendeurs du réseau Dynamic Game. Ouais, je pense qu'on peut faire un parallèle avec les libraires, par exemple, qui, au-delà de leur métier de vendeur, vont lire un grand nombre de livres pour tout simplement avoir les connaissances pour après discuter entre passionnés avec les clients, parce que c'est pas simplement des clients avec qui tu veux leur vendre une marchandise. On est sur vraiment quelque chose où il y a de la passion derrière. Oui, je crois que c'est une très bonne comparaison, oui. Ouais, je suis d'accord aussi. Jolan, ouais, tu voulais lui poser une autre question ? Et puis la dernière question, depuis combien de temps as-tu ouvert ton magasin sur Tours ? Alors, moi en fait, c'est pas mon premier, puisque sur Tours, j'ai ouvert en 2018, du coup, pour répondre à ta question. Mmh. Et pour préciser un peu, moi ça va faire 12 ans, enfin 13 maintenant, puisqu'on est en 2021, que je suis dans le jeu vidéo. Alors j'ai pas commencé à mon compte, hein, évidemment, mais j'ai ouvert un premier magasin qui était à Amboise. D'accord. Et après, bah là, j'ai ouvert en 2018, du coup, sur Tours. Donc, région Centre-Val-de-Loire, ouais, t'es petite ville qui est Amboise de 15 000 habitants, et là, t'es rendu dans une ville de 130 000 habitants, quoi. Voilà, c'est ça, j'ai un peu fait mes armes, on va dire, à Amboise, et après, j'ai level up à Tours. Ouais, prochaine destination, Paris. Ouais, peut-être pas, peut-être, mais bon... Ouais, c'est pas forcément l'objectif, quoi. Non, c'est l'objectif, moi, c'est vraiment de vivre de ma passion. C'est pas de rouler en Porsche ou je sais pas quoi. C'est vraiment, voilà, moi, je vis à travers le jeu vidéo. Bon, je geek tous les jours. Hein. Ouais. Et voilà, c'est vraiment mon dada. Donc forcément, bah, ma place, est, pour moi, elle est là, quoi. Donc, elle est vraiment là. Je rectifierai ce qu'a dit Julien. Ouais. En fait, il roule en Porsche tous les jours sur GTA 5. Ah oui, sur GTA 5. Ouais. Petite nuance. Hein, mais... En virtuel, c'est bien. En virtuel, c'est très bien. Ça coûte moins cher d'assurance et d'essence en plus. Exactement. Mais en fait, Julien, tu fais des heures sup parce que quand tu geek, c'est finalement tu travailles, mais sans t'en rendre compte. Ouais, mais du coup, bah, j'en redemande en fait. Ouais. Donc, c'est ça. Ouais, parce que t'es un véritable passionné de jeux vidéo. Ouais. Moi, j'ai envie de te demander, par exemple, quelle console t'as à la maison? Enfin, console ou ordinateur, d'ailleurs, hein, et peut-être les deux. Alors, bah, j'ai une sacrée collection, parce que moi, je collectionne depuis que je suis tout petit. Ouais. J'ai à peu près une centaine de consoles chez moi. Ah, une centaine de consoles! Ah, la vache! Ouais, donc toutes différentes, hein, évidemment. Ouais, on a vrai passionné, là. De quoi ? Je savais même pas qu'il y en avait autant. Je dis, on a un vrai passionné de jeux vidéo là, parce que pour avoir une centaine de consoles à la maison. Ouais, ouais. Pour bien connaître Julien, je sais qu'il a vraiment des pépites, des choses très rares. Ah bah ouais, ouais. En console. Ouais. Ouais, parce que j'imagine que t'as les consoles classiques. Alors je vais prendre dans les années 80-90, la NES, la Super Nintendo, la Mega Drive, la PlayStation, la Wii, etc. Et puis peut-être des consoles, ouais, des années 70, 80, plus rares, ou même 90, 2000, ou qui sont très peu sorties. Ouais, c'est ça, voilà, t'as très bien résumé. Ouais. C'est ça. Ouais. Et tu pourrais nous donner un ou deux modèles de consoles que tu as comme ça qui sont relativement rares? Ah ouais, des qui consoles rares. Ouais. Bah alors il y a une si vous voulez regarder, j'ai par rapport à mon magasin, j'ai fait une première vidéo où j'ai présenté une PS2 de développement. Donc comme ça vous pouvez la voir, vous avez la vidéo. D'accord. Je la montre, voilà, je l'ai dans mes mains et tout. Et visuellement, le boîtier ressemble à la PlayStation 2 finale ou pas du tout? Ouais, c'est une grosse PS2 en fait, comme les premiers modèles en fait, où il y avait le tiroir qui s'ouvrait devant, qu'on appelle la FAT. Et donc ça y ressemble, mais en forme d'unité centrale. Parce qu'en fait, les consoles de développement, à la base, c'est que pour les studios de développement, puisque c'est pas fait du tout pour le grand public, quoi. Ouais. Et donc, en fait, c'est un PC qui est à l'intérieur, qui va nous permettre de créer les jeux. Donc ça tourne sous Linux avec des programmes particuliers, évidemment. Mmh. Et ça, j'ai réussi à en avoir quelques-unes. Je dois en avoir 5 ou 6, je crois, des consoles de développement. Forcément, première vidéo, c'est mon bébé, quoi. C'est la console que j'ai eu le plus de mal à avoir. Mais comment on obtient une console de développement? Je veux dire, faut aller la chercher où, celle-là? C'est compliqué. Hein. On passe par un réseau, un gars qui connaît un gars qui connaît un gars qui voilà. Ouais, d'accord. Ouais. Qui a vu le chien traverser la rue, tu vois. C'est ça. Et quels sont, parce que forcément sur les 100 consoles, j'imagine que t'as, enfin ça en expo ou dans un coin, etc. Mais est-ce qu'elles passent toutes par la case branchée sur la télé, ou il y en a certaines qui sont tout le temps branchées et auxquelles tu joues très souvent? Par exemple, t'arrives le soir après le boulot, tu joues à quoi comme ça? Alors il y a les, je vais dire 90% de toutes les consoles qui restent dans l'étagère, dans l'armoire, pour éviter qu'elles s'abîment. Alors évidemment, elles fonctionnent toutes, je les ai testées, etc. Et par contre, dans le salon, j'ai eu la chance d'avoir la PS5. D'accord. Donc du coup, il y a la PS5 qui trône fièrement à côté de ma télé. Après, j'aime beaucoup la 360, donc j'ai laissé brancher ma 360. Donc je joue de temps en temps aussi dessus. La Wii U aussi pas mal. Moi j'ai beaucoup aimé la Wii U. Donc c'est la version bêta de la Switch. Parce que sur Wii U, les jeux qui sont sortis sont ressortis après sur la Switch. Ouais, la Wii U qui avait pas très bien fonctionné en termes de chiffre de vente. Hein. ça n'avait pas marché. Ouais, mais du coup, il y a des jeux qui ont... C'est dommage qu'elle ait pas si bien fonctionné que ça, parce qu'il y a des jeux qui utilisaient vraiment tout le potentiel de la console. Ouais. Et bon, la plupart sont ressortis sur la Switch, donc du coup, ça a permis à plus de gens de pouvoir y jouer. Mais... voilà, si par exemple, je sais pas, ma fille veut regarder Dora à la télé ou un truc dans le genre, bah hop, moi je me mets dans le canapé et je peux continuer à jouer. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc du coup, enfin, il y a plein de trucs comme ça. Donc ouais, moi j'aime beaucoup la Wii U. J'ai la Switch aussi à côté, d'ailleurs. Donc je switch entre les deux. J'ai oui, un petit jeu de mots. Bon jeu de mots, ouais. Ça c'est cadeau. Et après en portable, j'ai laissé la New 3DS XL. D'accord. Parce que j'ai réussi à trouver la version collector Zelda. Donc du coup voilà, je me fais des petits jeux quand j'ai pas envie de me prendre la tête ou d'allumer la télé. Voilà. Comme ça sur la 3DS, c'est sympa aussi. Et est-ce que tu joues sur toujours en train de travailler? Ouais, bah oui, toujours en train de travailler. Ah oui, tout le temps, je suis à fond, moi. Est-ce que tu joues sur PC aussi ou pas? Alors ouais, enfin je joue, mais je jouais plutôt, parce que j'ai un PC qui se fait vieux. Bah c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu des problèmes à me connecter, hein, ce soir. Mais je jouais beaucoup sur PC à Age of Empires. Ouais. Ça c'est ma série mythique, j'ai passé des centaines, voire des milliers d'heures, parce que c'est vraiment le jeu sur lequel j'ai joué le plus. C'est tellement bien comme jeu. Voilà, après Counter-Strike, c'était Age of Empires. D'accord, ok. Et en ce moment, alors, si tu devais faire un top 3 des jeux auxquels tu joues ou tes jeux préférés, ça serait quoi? Ça peut être toute époque, hein, pas forcément des jeux récents, hein, mais si t'avais 3 jeux à jouer là maintenant, ça serait quoi? Alors ça, c'est toujours très très difficile comme question. Ah ouais, je sais, faut choisir. Alors j'ai une belle collection de GTA, donc je dirais GTA, parce que GTA 5, je l'ai refait... je ne sais combien de fois, donc ça c'est un très bon jeu, donc allez, je le mettrai numéro 3. D'accord. Allez, on va dire numéro 3. Numéro 2, je dirais Smash Bros. Ouais. Ouais, Smash Bros, j'ai passé énormément de temps, le dernier sur la Switch, il est juste magnifique, avec tous les persos, toutes les arènes et tout. Enfin, ouais, c'est ça c'est sympa avec les copains, jouer à Smash Bros, enfin les copains de la famille. Mmh, hein, mais et alors, après, en premier, alors là, ce serait... C'est la 15e guerre mondiale, là, entre tous les jeux, pour avoir la première place. Non, là, le dernier, mon gros coup de cœur, ça a été The Last of Us 2. D'accord. Au niveau de l'histoire, qui est juste énorme, les graphismes, ils sont à tomber par terre. Enfin, donc, ouais, je mettrais le 1 pour le côté récent et ce que ça a pu apporter en termes de fun et de kiff à jouer, quoi, tout simplement. D'accord. Ok, très et bien. Dis-moi, Julien. Ouais. Julien. Oui. Dis-moi, le jeu de Pong, tu le classes en quelle position? Alors, le jeu de Pong, je le mettrais... alors, il sera pas dans le top 3, parce que je viens de le dire. On taira la place, alors, dans ce cas, s'il n'est pas dans le top 3. Il est quand même sympa, mais ouais, entre 90 et 100, on va dire. Ah ouais, donc c'est pas mal parce que sachant que vu le nombre de jeux que j'ai aussi, parce que vous doutez bien que si j'ai 100 consoles, oui, j'ai le nombre de jeux correspondant, ouais. t'es avec nous, Julien? Oula, est-ce qu'on n'aura pas perdu Julien? Je crois que c'est vrai. Bon, Daniel, t'es là? Oui, je suis là, de toute façon, oui, je suis là. Ouais, oui, là, Martin est là, Johan est là. Je suis là, moi, ça marche très bien de mon côté. Ouais, c'est juste la transmission avec Julien qui merde un peu. Bon, ce qu'on fait, c'est qu'on écoute de la musique. On va écouter Distance Call de Serpent sur Indestar. Et puis, on revient, on espère, avec Julien parce qu'on n'a pas fini. Hein. 21h-23h, vivez le confinement avec nous sur Indestar. C'est l'émission à la musique. Émission à la maison comme tous les lundis et vendredis soir à partir de 21h pour passer la soirée ensemble avec vous sur indestar.fr et puis tous les réseaux sociaux et avec l'équipe du soir qui est composée uniquement de la gente masculine ce soir puisque nous avons Martin, Daniel et également Jolan qui est là et en intercoupé Julien qui est notre invité ce soir de Dynamic Game à Tours qui nous explique un petit peu son parcours, sa passion pour le jeu vidéo. Alors par contre il est pas opérationnel en termes de connexion internet hein, parce que ou de PC, je sais pas, il nous a expliqué. Ouais, c'est peut-être plus le PC parce qu'à Tours il y a la fibre donc normalement ça fonctionne pas mal, ouais. Et on l'entendait bien quand on l'avait, mais là ça ne fonctionne plus, donc j'espère qu'on aura Julien de retour parmi nous dans quelques minutes pour qu'on qu'on puisse lui poser toutes les questions sur sa passion du jeu vidéo. Il y en a un autre qui est passionné quand même dans l'équipe. Alors, il y en a même plusieurs parce qu'en fait, finalement, à part moi, vous êtes tous passionnés de jeux vidéo. Et j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le parcours vidéoludique de Martin. Parce que Martin, toi, t'as connu différentes consoles. Ah bah oui. Moi, ça a commencé, j'étais petit, ça a commencé avec la Game Boy Color. Ah oui, alors quand tu dis ça, on prend un coup de vieux, hein, parce que petit Game Boy Color, moi, je mange un peu. Enfin, toi, t'en prends un, mais pas moi, perso. Oui, ça va. Je vais vous en mettre un coup de vieux, alors, vous inquiétez pas. Non, mais Game Boy Color, donc, c'était la suite de la fameuse, enfin, du fameux Game Boy, parce que normalement, c'est masculin, le Game Boy, qui était sorti, je crois que c'est quoi, c'est 89, 90, Daniel? Ouais, c'est quelque chose comme ça, oui. Ouais. Et donc ça c'était la version Color qui était vachement plus petite. Il y a eu la version Pocket moi que j'avais entre les deux, qui était une version un peu allégée mais toujours en noir et blanc. Et à la suite de ça il y a eu la Game Boy Color. Mais oui c'est ça. Du coup avec ça j'ai découvert Pokémon aussi. Ouais évidemment ouais. J'avais la version jaune avec le Pikachu qui te suit partout. Et je me souviens que l'été on partait en vacances, on retrouvait mes cousins. Et eux, ils avaient au moins 5-6 ans de plus que moi, donc ils jouaient aussi, mais ils connaissaient beaucoup mieux. Ouais. Du coup, je les voyais vraiment comme des grands gourous de Pokémon, parce qu'ils connaissaient tout, ils avaient des trucs super forts et tout. Et du coup, je leur demandais plein de conseils, ils en avaient complètement marre. Et sinon, j'avais des plus petits jeux comme Tarzan, que j'adorais, mais j'ai jamais dépassé le niveau 2. Ah, pourquoi? Parce que le jeu était trop dur, non? Ouais, à l'époque pour moi il était beaucoup trop dur. Après, ouais. Je m'amusais quand même dessus. Hein. Mais, je croyais qu'on t'avait pas dit qu'il y avait plus de 2 niveaux, c'est pour ça. C'est un jeu à 2 niveaux. Ouais. Il y en a eu hein, des jeux comme ça avec une durée de vie très courte, mais là c'était pas le cas pour le coup. Non. Et je me souviens aussi de Astérix et Obélix. Ah oui, il était dur celui-là aussi. Il était assez dur, mais c'était le premier jeu où il y avait un système de code à rentrer pour accéder à des niveaux. Ah ouais. Et du coup, je m'amusais à rentrer des codes au hasard. C'était juste un code à 4 oui. Symboles. Ouais. Parce que ça, et c'était sur quoi? C'était sur la Game Boy aussi? Ouais, toujours sur la Game Boy Color. D'accord, ok. Ouais, parce que Astérix et Obélix, ça a existé sur PC. Oui, Julien, on t'entend. Ah, c'est bon, ça a fonctionné. Oh, oula, on t'entend à mi-temps, mais on t'entend quand même. Coup de ci, coup de ça, quoi. Ça venait de. Ouais, ça venait de quelque chose. C'est comme les jeux vidéo, si tu passes pas bien le niveau, tu recommences au départ. Ça bah, je vous avais dit, hein, mon PC est vieux, donc voilà. Ouais, donc ça risque de recommencer, on est d'accord. Bah j'espère pas, hein, mais bon. Ouais. En même temps, Julien est un spécialiste des jeux vidéo, pas de l'informatique. Hein. Bah on peut pas tout faire, évidemment. Ah ouais, c'est ça. Il y a Martin qui était en train de nous parler de son parcours vidéoludique et il a commencé sur la Game Boy Color. Donc, t'es passé sur quoi après, Martin? Après, j'y suis pas vraiment passé, mais j'ai découvert la PS1. Ah ouais? La PlayStation 1, c'est mon père qui l'avait. Mm-hmm. Et du coup, je le regardais jouer à Tomb Raider. Ouais, ça a été. Et moi, quand il voulait bien me la laisser, je pouvais jouer à Driver. Alors, Driver, oui. Je sais pas si vous connaissez. Évidemment. Oui. Mais est-ce que t'as dépassé la scène du parking au départ qui était hyper dure? Ah, mais moi, j'ai jamais. Ah, elle était horrible celle-là. Ah ouais? J'ai jamais de scénario. Je faisais que en mode libre, je me baladais dans la ville et je faisais des embouteillages partout. Ouais, mais tu sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait ça parce que en fait, ouais, dans le mode mission, la première, pour ceux qu'on jamais joué à Driver, la première scène, il fallait en gros faire valider plusieurs figures dans un parking souterrain, genre un 360, un 180, etc. Et tout enchaîner en un temps donné. Et cette scène, qui normalement pour un tutoriel au départ d'un jeu doit être relativement facile pour arriver dans des missions un peu plus compliquées. Mais cette scène était hyper difficile, ce qui fait qu'il y a plein de gens qui se sont arrêtés finalement à l'épisode numéro 1 de la mission, quoi, parce qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin. Mais ouais, en plus, les missions d'après n'étaient pas si difficiles, mais la mission de départ était ultra dure, quoi. Donc ça, c'était un peu merdé, mais ce qui n'empêchait pas le jeu Driver d'être un bon jeu pour l'époque. On était en monde libre, on pouvait se déplacer où on voulait, etc. Il y avait déjà les open world qui commençaient à arriver. Ouais, c'était un open world. Et puis, autre jeu, tu t'en parlais, un Tomb Raider, c'est pareil, je crois que c'est sorti quoi, c'est 97, 96, 97 la sortie de Tomb Raider. 96, moi je dirais. Ah ouais. Je sais pas si tu te souviens, mais est-ce que c'était le Tomb Raider ou qui était cubique ou pas un peu comme. Ah bah évidemment qu'il était cubique, mais c'était les graphismes 3D de la PlayStation 1 à l'époque. Ouais. Elle était tout en carré, hein. Ouais. Mais ce qui est ouf, c'est que je m'en rappelle très bien, moi, des premières années de Tomb Raider et de Lara Croft, et en fait. Ok, on regarde aujourd'hui, c'est une série de polygones, très clairement. Mais à l'époque, elle nous semblait vachement réaliste, en fait, parce que nous, on était habitués avant au graphisme 2D, avec voilà. Et là, on avait une Lara Croft en 3D avec une poitrine monumentale. Non, mais tout le monde s'en rappelle, tu vois. Ah, il a retenu ça. Il a retenu. Évidemment. Et non, ouais, Lara Croft, c'était une beauté. Il y en avait qui avaient leur poster de Lara Croft dans la chambre, alors qu'en fait, en vrai, aujourd'hui, on regarde les premières Lara Croft du premier Tomb Raider, on se dit ouais bon c'est ça manque de polygones quand même. Mais... c'était la 4K de l'époque hein, donc exactement. Et la sortie, se remettre dans le contexte quoi. Exactement, non mais la sortie de la PlayStation 1 à l'époque, aussi moche soit les graphismes pour un œil de 2021, mais c'était une vraie évolution ouais sur le fait de pouvoir se déplacer dans un univers 3D, c'était vraiment le côté waouh de la PlayStation 1. Ouais. D'ailleurs, la PlayStation 1 avait a amené d'autres choses. Ça a été la première console à proposer les jeux sur CD avec temps de chargement au lieu d'être en cartouche. Hein. Alors non, mais oui. Enfin, je dirais la même chose. Oui, mais non. Ouais, c'est la première console pour moi grand public à proposer ce genre de choses. Ouais. Voilà, oui. Parce qu'il y a eu la CDI qui était sortie juste avant, qui a fait un énorme flop. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, il y a eu des. Alors la CDI, elle est sortie en quelle année? Parce que ça me dit rien du tout ce modèle. Oh bah non, parce qu'elle a fait un énorme flop justement. 93 ou 94, je crois. Ouais, ouais. De mémoire. Et PlayStation 1. Faudrait demander à Google, mais il y a moyen que ce soit ça. Ouais. Ok. Et en fait, j'avais lu l'historique de la PlayStation. En fait, ça devait pas être Sony qui devait sortir la PlayStation à la base, parce que le principe justement du CD-ROM, il avait été commandé, je crois. Enfin, il y a une histoire avec Nintendo, et puis finalement Sony s'est dit, oh bah puisque c'est comme ça, on va faire notre propre console. Ils ont sorti la PlayStation dans la foulée, quoi. Ouais, exact. À la base, ça devait être un accessoire pour la Super NES qui devait se mettre en dessous de la Super NES. Ouais. Et sauf que bon, moi je connais bien l'histoire, j'ai des bouquins là-dessus, puis j'adore la PS1, donc je suis très renseigné à ce niveau-là. Et en fait, Sony, dans son contrat avec Nintendo, devait récupérer tous les droits, enfin tous les bénéfices des ventes des jeux sur cet accessoire. Et comme ça, Nintendo gardait les bénéfices, mais que sur sa console pour les cartouches. D'accord. Et donc, quand Nintendo a vu ça, bah, ils ont freiné, ils ont dit stop direct. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, ça s'est jamais fait. Et Sony ont déjà développé les prototypes de la console. Tout était prêt à sortir. Hein. Mm. Dans 6 mois, ça se branchait sur la Super NES chez n'importe qui. Et bah, du coup, ils ont dit non, c'est pas possible. D'où cette fameuse phrase qu'on entend souvent quand on fait des recherches à ce sujet, c'est do it. Ouais. Le président de Sony à l'époque a dit fais-le en disant on en reste pas là. Ils nous ont mis le truc à l'envers, et ben on va essayer de le refaire à l'envers aussi. Et du coup, on en est là aujourd'hui. Quoi. Ah, et ça a été un véritable. Une guerre commerciale un peu, non? Bah alors une guerre commerciale oui qui s'en est suivie, et puis c'est vrai que la sortie de la PlayStation ça a été un véritable phénomène, un buzz quoi. Mais du coup dans la logique des choses, Nintendo et Sony sont toujours en conflit depuis le temps ou... Ah bah oui, évidemment. Ouais. je sais pas, honnêtement, je suis pas sûr. Pas forcément en conflit, mais il y a une concurrence ferme depuis 95, depuis la sortie de la PlayStation quoi. Parce que oui, ça c'est sûr. Ouais. Oui. Et Nintendo, ils ont fini par succomber au CD avec c'était quoi? C'était la GameCube. En fait, ils sont passés au mini CD. Ils avaient leur format CD quand même. Ils avaient le petit format particulier. Ouais. T'as joué à la GameCube Martin? Et bah justement, c'est la console suivante, celle qui m'a vraiment fait rentrer dans le truc. Et t'as vu ça? Moi, je rejoue à Martin parce que c'est une de mes premières consoles aussi. Ah oui, la GameCube. Bah oui. Ouais. En fait, à la base, j'allais passer des nuits chez un ami à jouer à Mario Kart vraiment jusqu'au matin. On a tous fait ça. Ah, Double Dash. Que de souvenirs sur Double Dash. Et du coup, c'est la première console que je me suis achetée en économisant mes 10€ d'argent de poche chaque mois. Pour pouvoir l'acheter un an plus tard. À l'époque, ça coûtait 99€, je crois. Ouais. Ça reste quand même cher. Du coup, voilà, elle est imprimée dans mon cœur parce que c'est vraiment la console que je me suis achetée moi-même alors que j'avais pas du tout l'âge. Et j'ai du coup des super souvenirs sur Mario Kart, Mario Sunshine aussi qui était incroyable. Ouais. Et je pense à SSX aussi, le jeu de snowboard. Oui, de snowboard, ouais, j'avais sur PlayStation celle-là, PlayStation 2. Smash Bros. Melee aussi. De haut et faire n'importe quoi. Ouais, Smash Bros. Melee était énorme. Moi, il y a un jeu que j'ai découvert sur la GameCube, c'était le Star Wars, comment il s'appelait, Jedi. C'était une suite d'un Star Wars, j'ai oublié le nom. C'est pas le Rogue Squadron ? Si, je crois, un truc comme ça, ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer aux jeux de Star Wars aussi, que j'ai découvert les jeux sur Nintendo, qui m'ont vachement plu. Donc t'avais la GameCube aussi, toi, Jolan, à quel âge tu l'as eu ? Moi, je l'ai eu sur les 10 ans, un truc comme ça. Ouais, 10 ans. Et Martin, tu l'as acheté à quel âge, la GameCube ? Ça doit être à peu près pareil, ouais, 10-12 ans, je pense. D'accord, ok. Et après la GameCube, t'en es resté là ou t'en as eu d'autres ? bien sûr, après j'ai continué, je suis passé à la Wii. Du coup, avec ma sœur, on s'amusait à créer plein de Mii, les petits personnages qu'il y avait dans la console. Ouais. Donc, il y en avait pour toute la famille, tous les amis, des gens imaginaires. Enfin, il y avait un monde pas possible dans cette console. C'était vraiment le credo de Nintendo. Ça l'est toujours d'ailleurs. Hein, mais le côté famille qu'ils ont développé, sur la GameCube, parce que tu pouvais brancher 4 manettes, et puis sur la Wii encore plus, quoi. Et surtout aussi. Non. Bah oui, et puis il y avait le Wii Sport aussi. Donc moi, je me souviens, j'étais fond, je faisais du tennis, je mettais des énormes revers et tout. Chose que tu faisais pas dans la réalité, mais par contre sur console, ça le faisait. Absolument pas. Est-ce que c'était de lâcher les manettes quand j'entrais à la maison, par contre, je voyais mon père, lui, qui jouait une main dans la poche. Il secouait à peine la manette et ça marchait très bien. C'est pour ça qu'on joue plus sur console qu'en réalité, parce qu'en vrai, le tennis, c'est beaucoup plus physique que ça. Et est-ce qu'il te mettait des branlés la main dans la poche? C'est possible. C'est possible. Mais je me défendais pas trop mal non plus. Ah. Et après, je suis rentré au lycée et là, j'ai voulu jouer à des jeux de grands. Ouais. Du coup, je me suis acheté une Xbox 360. Ouais. Et là, je suis rentré dans une grosse période de Call of Duty. C'était le Black Ops à l'époque. Ouais, c'est ça. Avec le zombie. Non, moi je faisais du online classique, match à mort en équipe. Mais c'était une belle époque. Tous les soirs, on se retrouvait avec un pote avec le casque micro. Et, par contre, j'étais nul au fond du trou. Mais je m'amusais quand même. Et puis j'ai aussi joué à GTA 4, qui était super, je trouve. J'ai rencontré Skyrim, qui me suit encore jusqu'à aujourd'hui. J'ai dû le racheter 3 fois en tout le jeu. Sur différents supports. Ouais, je l'avais acheté une première fois pour le revendre parce qu'à l'époque, je fonctionnais beaucoup avec les magasins d'occasion. Ouais. Et du coup, j'achetais des jeux, je les revendais, je faisais des affaires et tout. Le mec était dans le business. oui. Et donc ouais, je l'avais revendu une fois, mais il m'avait manqué, donc je l'avais racheté. Et ensuite, en passant sur PS4, je l'ai re-racheté. D'accord. Maintenant que je suis sur PC, c'est possible que je le re-rachète. Donc après, en fait, de la Xbox 360, tu l'as toujours la Xbox ou pas ? La 360, oui, elle est toujours là. D'accord. Et t'as d'autres consoles ou tu joues sur PC uniquement maintenant ? Je jouais pas sur PC jusque-là parce que j'avais qu'un petit PC portable qui devient une crêpière dès que je lance le moindre jeu. C'est pratique, ça fait double emploi. Ouais, mais... Mais bon, faut faire un choix à un moment. Soit c'est les crêpes, soit c'est le jeu vidéo. Et bah vous. Du coup, je suis sur PS4. Ah ouais. Parce que tu peux pas faire les deux en même temps. Non. Mais fait ses crêpes sur l'ordi et il joue à la PS4 en même temps. Ah, c'est que t'as peur de sucrer les crêpes en jouant. Et ouais, d'accord. Voilà, c'est ça. Et sur PS4, tu joues à quel jeu ? Sur PS4, j'ai beaucoup joué à Overwatch. Ouais. Qui est un jeu qui se joue en FPS, donc à la première personne, en gros tu vois juste tes mains et ton arme, mais avec tout plein de personnages qui ont des capacités, donc c'est un peu à la limite, je trouve, entre Call of et League of Legends par exemple. D'accord. Où il y a le côté tir à la première personne, mais aussi capacité spéciale de ton personnage, cohésion d'équipe et tout. Ok. Et GTA V aussi, forcément, qui était assez révolutionnaire. Bah, GTA V, quoi, qui cartonne. Il est sorti quoi en 2013, je crois, la première version sur PS3. Jeu, il est toujours, c'est pas 2011, 2012, 2010, oui, plutôt. Ah, je sais pas si c'est. Non, non, je crois que c'est 2013 sur PS3. Ah. Ouais, sur PS3, ouais. Ah, d'accord. Ouais, ok. Ouais. Qui est d'ailleurs le jeu de la décennie, hein, 2010, GTA V. Bah, en même temps, ouais. 7 ans, il est toujours là. Enfin, 8 ans même cette année. Et GTA 6 n'est pas prêt, donc il risque encore de faire 1 ou 2 ans. Et puis, il est pas prêt de sortir, hein, GTA 6. Non, bah, ouais. Non. Mais surtout, non, non. Et puis bah aussi un autre jeu de Rockstar, c'est Red Dead qui est devenu deuxième jeu préféré après Skyrim. Ouais. Parce que l'histoire est juste incroyable, les graphismes, c'est à l'époque des westerns, hein, c'est ça, Red Dead Redemption. Ouais. Et avec les graphismes d'un GTA, hein, c'est le même moteur graphique parce que c'est le même studio de développement, mais c'est une autre ambiance. Que ouais, c'est le dernier, le Redemption 2 que tu as. Ouais, j'avais déjà joué au 1 sur la Xbox 360. Et du coup, j'attendais le 2 parce qu'avant, je jouais à plein de jeux vidéo différents. Et maintenant, j'attends vraiment mes gros classiques, quoi. Maintenant, je vis plus que pour Red Dead et les Elder Scrolls comme Skyrim. Ouais. Moi, j'ai attendu le 1 qui sorte sur PC et il est jamais sorti sur PC. Il est resté que sur Xbox à l'époque, le Red Dead Redemption. C'est un gros chier pour les joueurs PC. Ah ouais, bah ouais, non, c'est nul. Mais j'y croyais en plus parce que tous les GTA sont sortis sur PC. Mais ils nous ont toujours fait languir un ou deux ou trois ans. Voilà, bon, histoire de mettre aussi les graphismes à jour et puis d'avoir un jeu qui était entièrement fini. Donc c'était plutôt cool. Mais le Red Redemption, là, j'y croyais en fait. Mais bah non, il n'est jamais sorti. Le 2 est sorti par contre sur PC. Ouais, il est magnifique d'ailleurs. Ah oui, il est magnifique, ouais. Ah oui, il est superbe. Il y a The Witcher aussi que j'ai trouvé qui était resplendissant. Ouais. Et la Cyberpunk aussi sur PC, il est excellent. Ouais, bah, vu toutes les critiques, j'ai décidé d'attendre un petit peu qu'il se fasse la main. Mettre à jour, ouais. Bah, après, c'est les plus grandes critiques, enfin, les plus gros bugs ont été décelés sur les consoles ancienne génération, quoi. Les consoles oui, PS4. Et, pas, ouais. Je vais rejoindre Julien. Sur PC, hein, absolument. Hein, mais il faut avoir une bonne config, par contre. Mais ouais. Oui, sur console, effectivement, il y a des bugs qui sont d'ailleurs corrigés au fur et à mesure. Là, le dernier patch, il a changé pas mal de choses. Ouais. Donc, le jeu commence à être bien jouable. Sur console, il y a encore quelques bugs, mais bon, au moins déjà c'est jouable, c'est bien jouable. Vous trouvez qu'il est viable quand même sur PC? Ouais, tu peux y aller les yeux fermés. Après, sur console, ça reste un bon jeu quand même. Il y a encore quelques bugs, mais ça va être corrigé au fur et à mesure. Et ils nous ont annoncé les DLC gratuits cette année, donc ça va être bien. Ça, c'est dommage parce que c'est quand même typiquement le genre de jeu qui, à mon avis, a un potentiel énorme et dont on a entendu parler pendant des mois, voire des années avant et qui a raté sa sortie, en fait. Et ça va, à mon avis, même s'ils vont en vendre, hein, ils vont en vendre des paquets, mais ça va, à mon avis, quand même freiner beaucoup de joueurs parce que ils ont entendu que à la sortie et notamment sur les consoles ancienne génération, mais du coup il y a certaines personnes qui vont s'arrêter à une globalité, ils vont se dire ouais, ce jeu il est bugué, et t'as plein de vidéos sur YouTube qui mettent en avant les bugs, etc. Donc en fait il se fait une mauvaise réputation alors que le jeu il a tout ce qu'il faut pour fonctionner. C'est dommage. Moi typiquement quand j'ai vu toutes les histoires à la sortie, ça m'a complètement freiné. J'ai énormément envie de jouer, mais je me dis que j'attendais qu'ils corrigent tout pour pouvoir me faire vraiment une super expérience. Ouais, non, mais je pense que t'as raison. Faudra passer à la boutique, les gars, quand j'aurai l'occasion. Il va vous convaincre, hein, Julien. Je sais pas si tu t'en souviens, Julien, mais je suis passé à ta boutique déjà avant le confinement. Ah, t'as acheté quoi, Jolan? J'étais venu avec Antoine de Actu Solite. Ouais. Et j'avais acheté Forza Horizon 7, je crois. 7, non, il est pas sorti. Yes, ouais, ça me parle, ouais. Alors, je vois beaucoup de monde, Je t'avoue que, tu sais, j'ai été en maison de repos et tout, j'ai eu le temps d'y jouer. Et du coup, j'ai quasiment fini. J'ai fini toutes les catégories de voitures, donc voilà. Il est quasiment fini à 100%. Tu vois, grâce à toi, Julien, il s'est un peu moins ennuyé ces derniers mois, Jolan. je suis ravi. Et d'ailleurs, à mon avis, ça n'a pas été annoncé ce soir, le confinement, mais je pense qu'il va pas tarder à tomber d'ici 2-3 semaines. Je suis content de pouvoir permettre aux gens de moins s'ennuyer pendant les confinements ou dans des épreuves un peu plus difficiles comme t'as eu. On va en parler du. On va en parler du confinement dans un instant, Julien, parce que je vais te poser la question. Est-ce que le confinement, ça fait du bien au secteur du jeu vidéo ou pas? Mais pour ça, va falloir rester là, parce qu'avant, on écoute Funk le Blanc. C'est un bootleg. Pretty Young Things sur Indestar dans cette émission à la maison. Et Julien de Dynamic Game à Tours, qui est notre invité ce soir pour parler jeux vidéo, évidemment, parce que c'est la spéciale jeux vidéo ce soir. Et 21h, c'est l'émission à la maison sur Indestar. Exactement, émission à la maison jusqu'à 23h minimum pour profiter de la soirée et avec une soirée spéciale jeux vidéo ce soir. C'est la thématique de cette soirée du vendredi avec notre invité Julien qui est gérant du magasin, c'est son propre magasin d'ailleurs, de jeux vidéo à Tours, donc en région Centre-Val de Loire, qui s'appelle Dynamite Game. Julien, est-ce que la connexion se fait toujours ? Oui, alors des fois je vais peut-être m'absenter si ça veut pas fonctionner, mais je reviens aussi vite que je peux. D'accord, très bien, bah oui, parce qu'on rappelle qu'on est émission à la maison, donc qui dit émission à la maison dit émission à distance. La connexion se fait bien, en fait c'est plutôt ton ordinateur qui a tendance un peu à bugger, c'est ça ce soir? C'est ça, ouais, il a pas envie, non, il m'a dit non ce soir. Alors pourquoi on est à distance? Évidemment, crise sanitaire oblige. Et la question que je voulais te poser juste avant la musique, et c'est pour ça qu'on a attendu 3 minutes 30 pour savoir quelle était la réponse. Mais le confinement, enfin on va dire toute la crise sanitaire, et plus particulièrement les confinements qui ont eu lieu depuis cette année 2020, est-ce que ça a eu un impact sur le secteur du jeu vidéo? Impact positif ou négatif d'ailleurs? Est-ce que les gens ont plus joué par exemple en confinement? Alors oui, les gens ont plus joué en confinement. Moi, je le vois. Alors, quand il y a eu le premier confinement, tout le monde s'est rué au magasin pour prendre des jeux parce que on savait pas combien de temps ça allait durer, etc. Mm-hmm. Bon, au final, maintenant, on sait que ça a duré 2 mois, donc les gens ont bien fait de faire des réserves. Ouais, ils ont investi dans quelque chose de rentable. Enfin, ils ont pu amortir leur achat, en fait. Ah oui, là c'était bien amorti, oui, effectivement. Et puis du coup pendant le confinement, le premier et le deuxième, il y a des consoles qui sont un peu revenues à la mode. Moi je vois par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont revenus sur la Wii. On en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de bons jeux sur la Wii. C'est simple, c'est familial, c'est pratique à jouer. Et donc du coup, il y a beaucoup de monde qui sont revenus sur la Wii. Voilà. D'accord. Jolan, tu voulais peut-être poser des questions, enfin, ou Martin ou Daniel, hein, mais sur ta passion, sur le jeu vidéo particulièrement. Jolan? Oui. Oui. Des questions, j'en avais pas, il me semblait, sur ce passage-là. Je sais pas, c'était sur quoi? Sur le. Je sais pas, l'équipement qu'avait Julien par exemple, ou je sais plus quelles étaient exactement tes questions, mais. Non, pas du tout. D'accord, t'avais pas de questions. Okay. Joker pour lui. Ah, c'est ça, de faire une interview à distance, c'est compliqué des fois. Ouais. Daniel, t'avais des questions? Daniel? Daniel est pas là. Ah, on a perdu Daniel. Ah là là, maintenant on a perdu Daniel. Bon, Martin alors. Oui. Ah non, non, je suis là. Oui, d'accord, Daniel. Alors. Ah, ça y est. On va y arriver. Je sais pas pourquoi, mon micro s'est coupé d'un seul coup, j'en sais rien. D'accord, bon. Disons, ce soir, c'est. Non, moi, c'est la soirée. La question que beaucoup de monde peut se poser, c'est bon, toute passion est d'origine. Donc, l'origine, c'est est-ce que c'est un premier jeu vidéo? Est-ce que c'est une console? Est-ce que c'est. Quelque part, est-ce que tu as joué avec quelqu'un? Est-ce que tu as vu dans un magasin? Est-ce que ce sont des images? À ton avis, qu'est-ce qui est à l'origine de cette passion? Alors, moi, je vais vous raconter mon expérience personnelle, comment moi ça a commencé. Ouais. C'est un truc tout bête, hein. Vraiment le truc qui peut malheureusement arriver à tout le monde. J'ai eu un accident, en fait. Je me suis fait renverser par une voiture petit, et donc du coup je me suis retrouvé pendant un certain temps à l'hôpital. D'accord. Et du coup mon père, voyant que je m'ennuyais, m'a acheté ma première console, donc c'était la Super NES à l'époque. Ouais. Avec plein de jeux, donc j'avais Mario Kart, j'avais Mario World, j'avais Mario Paint, enfin un bon tas de bons jeux quoi. Mm-hmm. Et du coup ça a commencé comme ça. Donc après ça peut commencer par exemple en voyant un youtubeur ou en parlant avec un ami qui va nous faire découvrir un jeu. Ça peut être de façon tellement multiple que il y a pas vraiment de façon de rentrer dans le jeu vidéo en fait. Et toi donc tes premiers amours c'est la Nintendo quoi en fait. Ouais, voilà. C'est la Super NES et mon père avait gardé sa NES, donc après moi derrière, ouais. J'ai repris toutes les vieilles consoles et j'ai découvert ce monde-là qui je kiffe aussi bien les nouvelles consoles que les anciennes. Donc du coup c'est que du bonheur. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses du phénomène un peu rétro gaming et je pense notamment aux émulateurs que maintenant tu peux mettre genre sur des comment on appelle ça là, les Raspberry Pi. Ou même la sortie des mini-consoles PlayStation, Sega, Nintendo, etc. Qu'est-ce que tu penses de ce phénomène-là? Moi, en tant que collectionneur, qui est des gens qui s'intéressent à des jeux plus anciens, c'est bien parce que ça permet de garder en mémoire en fait le vécu et le chemin qu'a parcouru le jeu vidéo depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est bien, ça permet vraiment de garder la marque en elle-même du jeu vidéo. Et puis ça rappelle beaucoup de souvenirs pour tous ceux qui ont joué avant et de pouvoir se dire aujourd'hui ça refonctionne. Ouais. Alors que ce soit aussi bien sur les consoles d'époque, parce que les consoles d'époque fonctionnent encore. Hein. Mmh. C'était peut-être un peu plus rudimentaire, mais c'était un peu plus costaud. Il y avait beaucoup moins de choses sensibles, on va dire. C'était plus facile à réparer. Mmh. Et donc, du coup, ça permet de faire transmettre cette passion et ces jeux de l'époque à ses enfants ou quoi. Ouais, justement, puis, tes enfants, t'en parlais tout à l'heure. Remettent... Je dis tes enfants, t'en parlais tout à l'heure. C'est quelque chose que tu transmets, justement, les vieux jeux vidéo comme ça des années 70, 80, 90. C'est quelque chose que tu transmets à tes enfants? Oui, moi je joue avec ma fille à la NES, la Super NES. D'accord. Elle a découvert la Mega Drive. Bon, la PlayStation, c'est ma console favorite, donc forcément, la première console que je lui ai fait essayer, c'était la PS1. Ouais. Mais après, je lui montre pas tout encore. Bon, elle va avoir 8 ans, donc j'ai encore un peu de temps. Mais et puis c'est elle qui me demande, quoi. Des fois, papa, on fait un Mario Bros sur la NES et on peut jouer tous les deux. Mm-hmm. Et donc je la filme, ça fait des souvenirs, on partage des choses et tout. C'est vachement bien, ouais. Ok. Daniel? Oui, et justement, ça aussi un intérêt quand même, et Julien vient de l'aborder. Ça permet de faire connaître aux plus jeunes générations les jeux qu'il y a eu, et beaucoup sont vraiment très intéressés d'une part de voir l'évolution, mais de voir aussi comment étaient les jeux avant, comment c'était avant. Tout comme on est intéressé souvent de savoir comment étaient les voitures dans le temps, y a vraiment un engouement, une passion pour connaître le passé, les origines. Ouais, tout à fait. Et alors parlons un petit peu du jeu vidéo de demain, enfin même aujourd'hui, mais par exemple, qu'est-ce que tu penses de Google Stadia, donc les jeux vidéo à la demande, donc ça a été conçu par Google, hein, c'est très récent, qui permettent de jouer en streaming en fait, donc c'est-à-dire sur tous ces appareils, de la même façon qu'on soit sur téléphone portable, sur Chromecast, sur un ordinateur, sur une console. Qu'est-ce que tu penses de ce concept-là? Est-ce que tu le trouves abouti? Enfin voilà, quel est ton avis là-dessus? Alors moi je le range dans la case, je vais y arriver, piratage. C'est-à-dire que en fait je suis anti-démat. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on achète un jeu, on a notre jeu sur le support et on peut le prêter, on peut inviter des copains, avec un jeu en démat, on achète du vent parce que on peut pas le prêter, on peut pas le revendre. Ouais. Et ça détruit des emplois. Si on regarde par exemple le nombre de magasins qu'il y a aujourd'hui et le nombre de magasins qu'il y avait il y a 10 ou 15 ans, on est en train de tous fermer les uns après les autres. Et ça, en fait, le dématérialiser, c'est pas bon du tout. C'est pour moi ce qui va créer la perte du jeu vidéo. Et malheureusement, donc, parce que Stadia, non. Ouais, Stadia non. Pour toi, ouais. Alors, je te dis ça parce que on l'a vu avec le secteur de beaucoup de choses, hein, tout ce qui est numérique et notamment le secteur de la musique. Est-ce que tu penses pas que le monde de demain, ce côté dématérialisé, streamé, etc., ça va plutôt devenir une norme au détriment du secteur du support physique, qui, comme la musique avec les vinyles, est en train de voir un rebond, mais un rebond qui est évidemment moindre par rapport à l'écoute globale de musique, quoi. Tout dépend si c'est effectivement comme la musique, si c'est gratuit, Ouais. Ok. Par contre, si c'est payant, c'est de l'arnaque. Ouais. Moi, je suis de la génération, Imule. Donc, pour ceux qui ont connu, c'était, voilà, on se connectait à un truc, on téléchargeait tout gratuitement. Ouais. Et voilà, on s'embêtait pas. Pour nous, le démat, c'est ça, quoi, en fait. Bah, en fait, je suis de la même génération. Je ne vois pas payer un truc, ouais, que je ne peux pas posséder. Donc, soit c'est gratuit. Mmh. Et dans ce cas, bah, pas de problème. Et d'ailleurs, on le voit avec les téléphones. Ça a commencé sur les téléphones, mais maintenant, sur les PC, puisqu'il y a Epic Games avec son Epic Games Store qui offre des jeux toutes les semaines. Maintenant, il y a aussi le Xbox Game Pass ou des choses comme ça qui offre aussi des jeux. Le gratuit est en train de pas de devenir la norme, mais de s'imposer petit à petit. Donc, à la limite, si le démat devient gratuit en tant que joueur, pourquoi pas? En tant que vendeur, bah forcément, je vais dire non. Ouais. Parce que ça va tuer mon commerce. Ouais, non, mais d'accord. Mais le gratuit, voilà. En tant que joueur, est-ce que tu crois pas que, enfin, il y a un dicton qui dit quand c'est gratuit, c'est que t'es le produit. Et dans le bon nombre de jeux gratuits, que ce soit sur téléphone ou sur autre support, on s'aperçoit qu'en fait, ouais, le jeu est gratuit au téléchargement ou pour pouvoir commencer à y jouer, mais qu'en fait, il y a vachement d'achats qui sont des achats in-game où finalement, tu vas payer ton jeu hyper cher parce que tu vas acheter toutes les choses qui te permettent d'aller plus loin, de réussir plus de niveaux, etc., alors que sinon, tu galères un peu, quoi. Bah c'est là où est le piège, en fait. Ouais. Après, c'est à chacun de savoir si ça vaut le coup. Par exemple, Fortnite, on peut y jouer gratuitement. Mm. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une skin qui ne nous donne même pas d'armes, enfin d'avantages plus que ça, parce qu'au final, on a toujours le même bonhomme, c'est juste qu'il a changé de tenue. Ouais. Après, on est vraiment dans ça, c'est de la surconsommation. Et là, en fait, le jeu vidéo est en train de devenir beaucoup trop comment je pourrais dire. Pognon, on va dire. Et ouais. Là, on engrosse les actionnaires. Et en fait, les studios de développement, quand ils font ça et qu'ils développent des jeux juste pour gagner de l'argent, bah, ils respectent pas le joueur. Eux, tout ce qu'ils voient, c'est l'argent qui rentre, quoi. Et ça, on est en train de le perdre. Alors qu'avant, quand on sortait un jeu, les développeurs, ils se donnaient à fond. Mm. On achetait le jeu et on disait, ouais, c'est trop bien, faites-nous une suite. Là, maintenant, bah, on télécharge le jeu. Ils nous sortent des skins, on les achète pas. Après, c'est selon chacun. Mais qu'est-ce qu'ils font derrière? Bah, ils font que des mises à jour. Ils ont plus besoin de bosser. Ouais. Ils ont juste à encaisser. Donc, ça devient beaucoup trop business. Et ça, moi, j'aime pas. Honnêtement, c'est pour moi l'esprit du jeu vidéo n'est plus là. Mm. C'est devenu beaucoup trop financier. Et par contre, je te rejoins sur le côté musique que tu disais tout à l'heure. Pour être indiscret, t'as quel âge, Julien? Moi, j'ai 31 ans. Ah d'accord, ouais, donc on est de la même génération. Effectivement, enfin, moi j'ai eu le même sentiment au niveau de la dématérialisation de la musique, pardon, qui fait que ouais, dans les années 2000, on est passé par une phase où à l'adolescence, on avait de la musique qui était téléchargeable, donc c'était synonyme de gratuit. Bon, ça, on a compris en grandissant aussi que bah la musique, comme tout autre art, est faite par des gens. Et ces gens, ils ont besoin de vivre aussi pour produire. Donc après, voilà, il y a des choses à acheter, c'est normal pour. Alors, je te coupe deux minutes pour faire une petite précision. C'est parce que si j'ai parlé de la musique, c'est parce que j'ai fait aussi de la musique. Ouais. Enfin, j'ai fait de la musique. Oui, j'ai joué d'un instrument, mais j'ai été aussi DJ. D'accord. Et moi, je me souviens à l'époque, quand il y avait un album qui sortait, on allait en grande surface ou en magasin de musique, on mettait un casque, on écoutait, et si ça nous plaisait, on l'achetait. Moi, à cette époque-là, combien j'ai acheté de singles, d'albums, etc. Ouais. Et après, quand j'ai vu, quand j'ai commencé à faire du mix ou des choses comme ça, ce que la SACEM pouvait prendre, des choses comme ça. L'artiste au final, par rapport à ce qu'on paye, et c'est valable aujourd'hui avec les jeux neufs, ouais. Il gagne pas grand chose. Ouais, donc à la limite, je préfère, pour la musique, moi je suis très festival et concert, je préfère aller à un concert, et une place un peu plus chère ou lui acheter des goodies où ça va rentrer directement dans ses caisses, ouais. Plutôt que d'acheter des trucs, je sais pas, sur Apple Music ou quoi. Non, je suis d'accord, que ce soit dématérialisé ou en CD, les maisons de disques, on fait du beurre hein, dans les années 80-90 très largement et voilà bon leur effondrement un petit peu par la suite on pourrait en reparler pendant des heures parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire mais c'est vrai que ouais, c'est un long débat. Oui. C'était finalement on s'est voilà, on les a pas plaints non plus parce que les artistes bon certes ils ont eu moins d'argent aussi mais ils en retiraient quand même pas grand-chose de tout ce système là. Donc oui, espérons que les jeux vidéo, on reste sur aussi ouais, des principes gratuits, mais pas trop contraignants pour le joueur qui ne veut pas payer, en fait, finalement, c'est ça, quoi. Que ça soit pas alors, une incitation à tout prix à payer. Juste, C'est pour ça, je finis juste ma petite précision, c'est pour en revenir au jeu, c'est pour ça qu'à l'époque, quand on achetait un jeu, sur la PS2 par exemple, on achetait le CD, ouais. Bon, s'il y avait des bugs, il y avait des bugs. Tant pis, mais la plupart du temps, ils faisaient beaucoup de tests avant pour que quand le jeu sorte, il y ait le moins de bugs possible, bah parce ouais. que sinon, ils se faisaient défoncer par la critique. Bah c'est ça, c'est-à-dire que... On prend l'exemple, on parlait de Cyberpunk tout à l'heure, ouais. Le jeu, il est sorti sur PC très bien, il sort sur console, c'est une horreur, il est buggé de partout, ouais. Mais les mecs, ils s'en foutent, ils peuvent sortir un patch derrière. Mmh. Ouais, alors je... Donc il n'y a plus cet esprit où il faut vraiment que le truc soit parfait, etc. Ouais. Le contrôle de qualité, effectivement, il est peut-être moins là parce qu'ils se disent que oui, enfin, sans s'en foutre parce que je pense qu'ils avaient quand même gros à jouer, mais ils se disent que ouais, derrière, ils vont quand même pouvoir corriger le tir. Alors que quand ils cherchent. Il n'y a pas de jeu aujourd'hui, il n'y a plus de jeu où on l'installe et il n'y a pas de patch day one à télécharger. Ouais. Mmh. Ça, c'est fini. Mmh. On a forcément un patch day one. Et ça, c'est pas normal. Mm-mm. On n'a pas notre jeu complet, comme quand ils nous sortent un Call of Duty et qu'ils nous sortent un DLC où il y a 4 maps pour 15 euros. Mais qu'est-ce qui t'empêchait de repousser un petit peu le jeu et d'inclure ces maps-là? Ouais, mais pour pouvoir que les joueurs payent 15 euros. C'est uniquement financier. Ah, bien donc sûr. Là, on pense pas aux joueurs, on pense aux porte-monnaies. Ouais, non, complètement, je suis d'accord avec toi. Sur les jeux là qui nous attendent cette année, est-ce qu'il y a des sorties qui sont aussi attendues que Cyberpunk l'année dernière? Alors cette année c'est une année un peu particulière, même très particulière, parce que du coup il y a eu l'année du Covid en 2020 et donc tous les jeux là qui devaient sortir vont être poussés, ouais. Ou alors ils sont purement et simplement annulés. Il y en a pas beaucoup qui sont annulés, mais la plupart sont repoussés. Donc honnêtement, sur le planning de 2021, je m'avance pas parce que ouais. Il y a des jeux d'annoncer, il y en a qui n'ont pas de date. D'accord. Ceux qui ont une date, ils sont repoussés. Donc là, il va vraiment falloir voir au cas par cas si ça sort cette année, l'année prochaine ou dans deux ans. Ouais, il y a des jeux de 2021 qui vont sortir en 2022. Les studios ont aussi été impactés hein, par bien rapport sûr. Au Covid où ouais. Ils ont dû faire du télétravail. Et donc du coup, bah forcément, les jeux prennent du retard. Ouais, je suis d'accord. J'avais une question qui était tout autre, mais on a eu un débat, si vous avez suivi l'émission, je crois que c'était vendredi dernier avec Teddy, où on parlait de jeux vidéo et je parlais d'un jeu à l'époque qui était sorti, je crois que c'était en 2002, sur PlayStation 2 qui s'appelait The Getaway, qui avait été un peu un raté. Bah, on en parlait des ratés parce que là, ils auraient peut-être pu sortir un patch pour que le joueur soit un peu plus, un peu plus jouable. Raté. Voilà. Non, c'était pas un raté. Le 2, oui, le 2 était un peu moins bien, mais le 1, ça encore. Ouais, bah sur la jouabilité, c'était pas top quand même, d'après les critiques. Le jeu était beau, mais sur la jouabilité, ouais. C'était pas top. Et, il était très rigide, je suis d'accord. Ouais, un jeu comme The Getaway, comme Watch Dogs, même comme Cyberpunk 2077, est-ce que pour toi, ce sont des GTA-like, ou est-ce que ça n'a rien à voir pour toi comme type de jeu vidéo? Ah si, c'est des GTA-like, ouais. Parce qu'ils s'inspirent de GTA avec une grande map, on peut conduire, on peut rentrer dans des bâtiments ou pas d'ailleurs, ça dépend des jeux, mm-hmm. Mais oui, il y a quand même beaucoup de choses. Bon bah ça me fait plaisir. Je suis loin d'être un spécialiste du jeu vidéo, mais c'est vrai que Teddy défendait l'idée que ça soit complètement un autre type de jeu. Et bon, après, on parle de GTA-like, il y en a eu plein des jeux de ce type-là, mais c'est vrai que GTA est tellement, tellement gros qu'on s'identifie pas mal à ce jeu-là, surtout à partir de GTA 3 qui a commencé à être en 3D. C'était sorti sur PS2, je crois, hein, GTA 3 à l'époque. Hein. Ouais, mais après, tout dépend de la définition qu'on donne au terme GTA-like, en fait. Ouais, ouais. Pour moi, un GTA-like, c'est un jeu avec une grande map où on peut se déplacer avec des véhicules et où on va tirer et faire des choses pas forcément qui ont légal dans la réalité. Voilà. Et donc, pour moi, c'est ça. D'accord. Après, il y a un open world n'est pas forcément un GTA-like. Genre Skyrim, ouais, c'est pas un GTA-like. Ouais. C'est ça, c'est qu'ils ont été les pionniers à faire ça. Mm. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut un peu oublier ce terme de GTA-like. Quoi. Oui, c'est un monde ouvert avec une grande liberté. Mm. Mais on peut peut-être dépasser ce côté. Ça ressemble à GTA, je trouve. Ouais, bah oui. Ouais. Non, mais parce que. Ouais, après, c'est une question d'interprétation de chacun. Ouais, ouais, bien sûr. Je défends personne ou quoi. Moi, je donne ma propre définition comme un FPS, on va dire. Avant, on disait c'était un Doom-like. Maintenant, on dit plus que c'est ouais, parce un que... Call of Duty-like. Ouais, parce que Doom, donc, effectivement, ouais, c'était le jeu de référence de l'époque sur ce type de jeu. C'est ça. Mmh, mmh. Ok. Est-ce que vous avez des questions encore, Jolan, Martin, Daniel? Moi, ce serait. Moi, je voulais juste refaire aussi une précision. On faisait une comparaison avec la musique. Ouais. Mais moi, je ferais plus la comparaison, comme tu as fait tout à l'heure, avec la librairie. Oui. C'est-à-dire que vraiment, le jeu vidéo, le puriste, le gamer, le puriste, lui, va vouloir vraiment, comme le lecteur assidu, avoir son support physique, pouvoir l'avoir dans les mains, le prendre, le regarder, dans le cas présent, le mettre dans la console ou le livre dans la bibliothèque, le regarder dans sa... Voilà, et je pense donc le dématérialiser, malheureusement, Julien a très bien brossé le tableau tout à l'heure, mais je pense personnellement, c'est un avis personnel, et je ne sais pas si Julien va me rejoindre dessus, que tout de même, au niveau du jeu vidéo, le gamer, je veux dire, le gamer vraiment... collectionneur un peu. Qui adore le jeu, ouais. qui vraiment se tient au jeu, va plus rester quand même du côté support physique, même si on ne peut jamais mettre dans un DVD, on ne pourra jamais mettre un Call of Duty de 60 gigas, par exemple. Ouais. Ah si, elle est Blu-ray maintenant, Daniel. Ouais, sur Blu-ray, mais, ouais tu peux mettre 200 gigas dedans. Ouais. Ah oui, c'est vrai, oui, j'y étais plus. Oui, je les ai oubliés, ceux-là. Et donc, on pourrait, donc, ouais. Voilà. En fait, c'est juste une question de personne. Si tout le monde demain décide de passer au démat, il n'y aura plus de CD. Si demain tout le monde décide de rester sur le CD, il n'y aura plus de démat. Ouais. Le problème, c'est qu'en fait, les acteurs poussent à. Donc, Sony, Microsoft et Nintendo maintenant poussent au démat parce qu'en fait, tout rentre dans leur poche directement. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et donc voilà, ils gagnent plus d'argent, donc les actionnaires sont contents. Ouais. Voilà. Mais sans au final, le joueur, il s'en fout. Ouais, ouais. Sans compter que pour le joueur, il y aura un problème, c'est que tu achètes ton jeu 10 ans après si tu veux en jouer avec, si t'as changé de console, si le développeur du jeu se dit « j'ai plus que presque que des cacahuètes en client », eh bien rien ne l'empêchera de fermer le serveur, le serveur de télécharger ton jeu que t'as acheté 10 ans avant. Ouais, mais oui, ou tout simplement, et c'est arrivé à un ami à moi, le gars a téléchargé, alors je sais plus combien, je crois qu'il avait plus de 300 jeux sur Steam, il s'est fait pirater son compte, il a plus rien. Aïe, aïe, aïe, ah ouais. Là, il y en avait pour des milliers d'euros, hein, et donc et Steam ne veut rien faire. Ah oui, il n'y a pas moyen de récupérer ses jeux. Par le passé, ah non, c'est mort. On l'a vu par le passé, alors je crois que c'est sur la Wii U où ils ont enlevé beaucoup de choses, sur la 3DS aussi, la PS3 ça commence, moi j'ai des clients qui viennent me voir en disant ouais j'ai acheté un truc, je peux plus le télécharger, bah ils l'ont enlevé du serveur donc c'est mort, t'as payé dans le vent, et bah du coup ceux qui l'ont en CD peuvent toujours y jouer, ouais. Par contre ceux qui l'avaient acheté à l'époque sur le PSN bah... Et après, comme tu disais tout à l'heure, Julien, avec le principe d'avoir des mises à jour qui permettent en fait d'être jouable finalement au jeu, même si t'as le CD du jeu, si les serveurs n'existent plus, bah tu peux te dire que ouais, au bout d'une dizaine d'années, contrairement à la cassette que tu vas mettre de Mario qui date des années 80 et qui va fonctionner parce que le jeu était entier et fonctionnait grâce à ça, là si tu remets le CD 10 ans plus tard, finalement tu te dis que s'ils ont arrêté les serveurs, c'est pas jouable non plus. Alors t'auras le jeu, mais du coup t'auras pas le patch Day One, donc du coup t'auras des bugs. Ouais. C'est pour ça que je disais, le fait qu'ils mettent des patchs Day One, bah dans 10 ans en fait, on se retrouvera avec les bugs s'ils ont fermé les serveurs. Ouais, alors aujourd'hui c'est pas gênant, mais c'est vrai que dans 10 ans ça peut potentiellement être un gros problème. Mais ça faudra voir avec le temps. Ouais, ça fait des jeux un peu jetables alors que c'était pas forcément le cas à l'époque, quoi. Bah c'est ça, ouais. Pour moi avant il se donnait beaucoup plus dans le jeu, quand le jeu sortait il était fini, il était complet. Là aujourd'hui ils nous sortent des jeux qui sont pas finis. Ouais. Bon, on va en reparler parce que tout n'était pas rose à l'époque, hein, avec les premières consoles de salon. On va revenir dans les années 70 dans un instant pour reparler de cette époque-là, juste après un titre. Ce titre, c'est First to Eleven avec I Wanna Dance With Somebody. C'est une reprise, bien entendu, de Whitney Houston. Et c'est maintenant sur Indestar avec cette émission à la maison qui continue jusqu'à 23h minimum parce qu'on a encore plein de choses à vous dire. Et Julien aussi, j'en suis sûr, qui est notre invité ce soir. Il tient la boutique Dynamite Game à Tours et on continue d'en parler jusqu'à 23h. Parce qu'on est con ou confiné, l'émission à la maison, c'est jusqu'à 23h sur Indestar. Et ça risque même de dépasser 23h. On est là au taquet ce soir pour la fin de semaine, vendredi soir avec vous et avec cette émission à la maison sur les jeux vidéo. C'est le thème de la soirée. Et nous avons le plaisir d'accueillir Julien qui travaille à Dynamic Game à Tours et donc en région Centre-Val-de-Loire et qui nous parle bien entendu ce soir de sa passion. Mais on va revenir maintenant sur le début du jeu vidéo parce que, alors Julien, je rappelle que toi t'as une centaine de consoles, donc t'as vraiment de tout, hein, des années 70, 80, 90, 2000, 2010, tout azimut à la maison. Bon, tu joues pas forcément à tout, elles sont pas toutes branchées, mais elles fonctionnent toutes, donc ça c'est cool. Et c'est vrai que dans la deuxième moitié réellement des années 70, il y a des gros acteurs qui commencent à s'intéresser réellement aux jeux vidéo dans les familles, parce que jusqu'alors bon, y avait quelques consoles qui étaient sorties et puis il y avait surtout aussi, tu vas nous en reparler tout à l'heure Daniel, mais les bornes d'arcade, donc on allait jouer aux jeux vidéo dans des salles, on allait faire connaissance avec des gens, etc. Et voilà, ça un peu remplacer le flipper dans les années 70, ça, les bandes d'arcade. C'est ça, oui, un peu, oui. Mais en 75, il y a notamment Atari qui voit un petit peu le potentiel de cette nouvelle industrie du jeu vidéo et qui décide de faire pour chacun, donc par chacun des foyers, leur propre console, avec notamment le jeu Pong, on en parlait tout à l'heure, hein, Pong et ses dérivés, qui sort donc sur les premières consoles Atari. Alors, il y en a eu plusieurs centaines, en vrai, des consoles de ce type-là qui sont sortis avec un jeu intégré. D'ailleurs, j'en ai une à la maison qui date des années 72-73 qui avait été ramenée des États-Unis. Et il y a en gros, il y a 4 jeux à l'intérieur, mais c'est 4 jeux qui sont sur le principe de Pong. Donc il y a du tennis, du football, etc. Mais il y a toujours un carré blanc avec 2 barres. Hein. Ouais, donc après, c'est la disposition sur le terrain et le nombre de barres qui fait la différence. Mais c'est des jeux qui contiennent réellement qu'un jeu. Le problème, c'est qu'il y avait donc qu'un seul jeu à l'intérieur, donc au bout d'un moment on a quand même commencé à tourner un petit peu en rond avant l'arrivée en 1978 de Space Invader et en 80 de Pac-Man qui étaient quand même des grands jeux qui ont changé un petit peu la donne. Et là les gros acteurs et notamment Atari, parce que c'était un peu l'acteur prédominant sur le domaine, se sont dit bon ok, on va changer de stratégie, on va faire des consoles qui peuvent recevoir plusieurs jeux, avec notamment le principe de cartouche que l'on met à l'intérieur, qui a été repris pendant longtemps, hein, jusqu'à la PlayStation de Sony. Cartouche, ça veut dire qu'on peut jouer aussi bien à Pong qu'à Pac-Man, qu'à Space Invader, qu'à une multitude d'autres jeux qui ont commencé à pulluler sur le marché. Et c'est là que c'est devenu un petit peu problématique, parce que en fait, la majorité des nouveaux jeux qui sont sortis n'étaient pas du niveau de Space Invader, c'est-à-dire que c'était un peu codé avec les pieds en 2 jours et c'était pas très qualitatif. Donc en fait, on achetait la console, on se disait bah chouette, on va pouvoir jouer à plein de jeux. On achète plein de jeux et finalement on se rend compte que c'est de la daube et qu'on sait faire pas avoir. Donc finalement on lâche la console, on la met au placard et au bout d'un moment bah les consoles de cette époque-là, de la fin des années 70, ont commencé à avoir de plus en plus mauvaise réputation parce qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux qualitatifs. Donc c'est ce qui s'est passé d'ailleurs en allant un petit peu plus loin au début des années 80, c'est-à-dire que d'un côté c'était de plus en plus accessible, et on avait de plus en plus de jeux, et de l'autre c'était des jeux de moins en moins bonne qualité. Et là on arrive en 83 où, vous connaissez l'anecdote hein, bien sûr si vous êtes fan de jeux vidéo, mais en 83 il y a la sortie du film E.T. Donc de Spielberg, qui est un film hyper qualitatif et que tout le monde va aller voir, et il y a le jeu E.T. qui sort quelques mois plus tard, qui sort pour Noël, où les enfants du monde entier se disent ouais, c'est vu qu'il y a le chef-d'œuvre de Spielberg à côté, ils se disent ouais, nous on veut le jeu vidéo E.T. forcément, et donc il y a beaucoup d'enfants qui reçoivent le jeu E.T. Pour Noël. Voilà, sauf que bah, le jeu E.T., ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est-à-dire que c'était vraiment un jeu qui n'avait rien à voir avec le film, qui était injouable et qui était une grosse daube. Et bah, là, on s'est rendu compte, en fait, alors il y a l'anecdote du fait que bah, finalement, ils en ont vendu quelques-uns, enfin ouais, tous ceux qui l'ont reçu à Noël, les enfants qui avaient le plaisir de le recevoir à Noël, enfin qui auraient dû avoir le plaisir d'eux, et finalement se sont rendus compte que bah, le jeu était bien pourri, donc bah, très vite ils l'ont rangé dans le placard, et puis tous les exemplaires qu'ils avaient prévu de vendre, et que finalement bah, avec le bouche-oreille ça s'est retrouvé à ce que les vendeurs de jeux vidéo comme Julien se retrouvent avec des stocks de E.T. qu'ils ne pouvaient pas vendre. Et la légende, mais qui a été confirmée depuis, c'est qu'ils ont enterré les cartouches de jeux vidéo dans le désert parce que bah ils savaient pas trop quoi en faire. Et donc en fait, à la suite de ça, après c'est une autre histoire, mais à la suite de 83, ça a été le grand crash du jeu vidéo. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait construit dans les années 70 s'est écrasé, enfin, s'est crashé en cette année-là parce que bah, trop de jeux pourris, ce qui fait que bah, les gens ont commencé à bouder l'univers du jeu vidéo, qui s'est relevé par la suite, notamment avec la console que t'as découvert, toi Julien, alors pas à l'hôpital mais par ton père, qui était la NES, avec Nintendo qui s'est dit bon, on va changer de stratégie et on va plutôt faire en sorte de valider les titres qui sortent sur notre console pour pas qu'il y ait de titres qui soient trop pourris et pouvoir contrôler un petit peu le marché qui va avec. C'est le Nintendo Seal of Quality. Exactement, ça a été validé sous cette licence là, donc c'était marqué en fait, hein, c'est ça sur les boîtes. Pour valider que le jeu était... Même sur le jeu, hein, ouais. si vous avez chez vous des jeux de NES, vous avez le logo Nintendo Seal of Quality qui certifie que Nintendo a approuvé le jeu. D'accord. Ouais. Est-ce que j'ai bien résumé ce premier volet des jeux vidéo sur console de salon, ou est-ce que j'ai oublié des choses, Julien ? Non, bah parfait. Alors moi, j'ai une petite anecdote. Moi, je suis croustillant des anecdotes, on vous adore. Est-ce que vous savez pourquoi Pac-Man s'appelle Pac-Man ? Ah, je crois qu'il devait pas s'appeler Pac-Man d'ailleurs au départ, mais non, je m'en... Non, en fait, il s'appelait Puck-Man à l'époque. Ouais. Donc P-U-C et non P-A-C. Ouais. Sauf qu'aux États-Unis, bah, ils se sont amusés à rogner un peu le P, ce qui fait que ça faisait Puck-Man. Ouais, d'accord. Donc du coup, ils ont changé la lettre parce que sinon, ça allait pas le faire. Pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, voilà. En fait. Voilà, c'est ça. Ah là là, les Américains, ils sont joueurs. Bon, on va parler avec toi, Jolan, dans un instant de J'ai pas marqué. Donc, tu vas nous parler d'un sujet. des consoles, des consoles plus récentes, parce que là, on a fait le premier volet des années 70-80. Toi, tu vas nous parler des consoles à partir de la décennie 80 et puis jusqu'à nos PS5. Et puis, comment elle s'appelle, la Xbox ? C'est la Xbox One X ? Non, la dernière ? Ou à série X, appelez-la X, ça suffit. D'accord, ok. Série X, donc c'est vraiment les dernières générations de consoles qui ont des configs d'ailleurs qui sont très proches d'un PC de gamer. Hein. C'est vrai qu'elles ont un fort potentiel. On est en train de développer les jeux qui vont avec la HDR, avec tout un tas de normes qui font que les jeux vidéo sont de plus en plus beaux. Et puis le début de la 3D, on en parlait tout à l'heure avec notamment la PlayStation qui avait quand même révolutionné un petit peu le secteur entre la 3D plus le côté CD. Ça avait révolutionné les années 90. Je me rappelle moi de la sortie de la PlayStation. À l'époque, j'avais vu, j'habitais en banlieue parisienne, c'était à Vélizy 2, grand centre commercial, si vous habitez par là, dans l'Essonne, et c'était un buzz monumental. C'est-à-dire qu'à côté, il y aura des questions d'ailleurs dans le quiz, il y avait les Dreamcast notamment, alors non, les Dreamcast c'était avant, après, mais il y a eu la Saturn de Sega, qui était bien implanté sur le secteur avec la Mega Drive. Et la Saturn qui s'est complètement ramassée parce que à côté il y avait la PlayStation qui raflait tout, quoi. Donc les consoles qui sont sorties dans ces années-là, et notamment Nintendo avec la Nintendo 64 qui était hyper implantée sur le marché, ils ont vu les nuages passer quand même, hein, avec la PlayStation. Ouais. Bon, la 64 a quand même tenu le coup. Elle a tenu le coup, ouais. Des jeux qui étaient quand même aboutis. Ouais. Mais ça n'aurait pas été le cas, je pense pas qu'elle aurait tenu le coup. Hein. Exactement, exactement. Est-ce que tu te souviens du lancement de la PS2 ? Alors, qui était encore plus monumental que la PS1. Alors je m'en rappelle pas parce que je l'ai moins suivi, mais par contre j'ai une PS2 à la maison et je crois que la PS2 est la console, alors déjà la PlayStation la plus vendue de toute la série, et je crois même la plus vendue de toutes les consoles. Mais alors faut savoir qu'à la sortie de la PS2, Ça avait fait d'ailleurs les gros titres de tous les journaux télévisés et papier. Mm-hmm. Les gens, Sony avait organisé une grosse soirée au Virgin Megastore des Champs-Elysées. Toi qui es parisien, t'as dû y aller à l'époque. Bah j'étais plus parisien à l'époque donc. Ah merde, non. Bon, voilà, y avait un Virgin à l'époque, voilà. Et ouais. Donc du coup ils avaient fait un super truc, ils avaient plein de consoles et tout, et les gens se battaient. Il y avait tellement de monde qu'en fait, et pas assez de consoles, un peu comme la PS5 aujourd'hui, ouais. Où les gens se battaient et s'arrachaient la console dans son carton, dans son emballage et tout, des mains les uns des autres, les vigiles étaient obligés de pousser les gens sur les côtés pour pas qu'ils se fassent écraser, enfin c'était la folie totale. Mmh. Vous avez plein de vidéos sur YouTube, si vous les regardez, c'est dingue. C'est comme le pot de Nutella dans les supermarchés quand il y a les soldes. Ouais, c'est ça, c'était exactement ça. On n'a pas changé, hein, finalement. J'avais rappelé celle-là. On n'a pas changé, malheureusement, en 20 ans, on se bat toujours pour la même chose, produit de consommation. Ah, que voulez-vous ? Bon, Filme-moi, c'est signé Alice et moi, mais c'est pas moi qui chante, c'est Alice et moi, c'est le titre de l'artiste. Émission spéciale jeux vidéo, pendant encore pas mal de temps ce soir, on en profite. L'émission à la maison, c'est jusqu'à 23h sur Indestar. Exactement, et 23h, à mon avis, on va les dépasser largement ce soir. Puisque nous faisons une émission spéciale jeux vidéo, que nous sommes avec Julien de Dynamic Game qui a plein de choses à nous dire sur les consoles, qu'elles soient des années 70, 80, 90, 2000 ou même les récentes. Et j'aimerais qu'on aborde un petit peu la deuxième partie, parce que je vous ai parlé tout à l'heure du crash du jeu vidéo en 83 et de l'industrie qui était très fortement affectée à ce moment-là. On se demandait même si finalement le jeu vidéo allait savoir rebondir et que ça allait être une industrie durable. Il y avait certaines personnes qui se disaient ouais, ça a été une passe, ça a été une mode, puis finalement on va passer à autre chose. Et puis finalement, en 85, il y a Nintendo qui revient avec cette fameuse Quality Nintendo là, qui a posé sur les jeux et pour valider en fait la qualité Nintendo sur les jeux qu'il propose sur la console NES. Et à partir de ce moment-là, finalement, ça reprend un peu, on reprend un peu du poil de la bête. Alors je pense notamment aux licences de Mario, hein, bien évidemment, sur la NES. Il y en a d'autres dans la foulée. Alors console des années 80, à mon époque, ça se battait parce qu'il y a eu la NES et puis la Super NES qui est apparue après. Et puis entre les deux, il y a eu la réplique de Sega qui était la Mega Drive. Et moi, ça a été ma première console que j'ai eue, que mon père avait achetée quand j'avais 3-4 ans. Bon, il l'avait acheté pour lui, hein, en vrai, hein. Mais c'était une manière d'offrir comme ça un cadeau de Noël tout en se faisant plaisir. Et Mega Drive, où t'avais pour contrer Mario, il y avait Sonic. Voilà, le héros Sonic, le petit hérisson bleu qui a fait l'objet d'un film d'ailleurs encore l'année dernière. Plus ou moins raté ou réussi, c'est selon. Ils avaient raté la première version, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le film, ils avaient fait une première version de Sonic qui était absolument moche. Et finalement. Ils avaient raté le design du hérisson. Exactement, ouais. Et finalement, les fans de Sonic de l'époque se sont un peu révoltés et ils l'ont redesigné pour la sortie du film. Donc ils se sont rattrapés un peu in extremis. Mais ouais, Sonic, c'était. Enfin, moi, j'ai passé des heures sur Sonic à l'époque sur la Mega Drive. Où t'avais pas de toute façon de sauvegarde, donc en fait, bah, comme à Mario, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si t'avais game over, bah t'avais Sega et tu repartais au départ. Donc c'était. J'ai passé des heures sur les premiers niveaux parce que forcément au départ j'étais petit, donc voilà, le monde 1 de Sonic, je le connais par cœur. Bon, après j'ai réussi à le finir, mais j'ai mis des années quand même, hein, pour arriver à le finir Sonic, parce qu'il était pas évident. Je suis sûr qu'aujourd'hui tu y arriverais à le faire les yeux fermés encore. Ah bah ouais, il y a des niveaux que je connais par cœur. Et je l'ai sur, alors ça c'est le côté nostalgique, hein, mais je l'ai sur smartphone. Il est sorti en émulation sur smartphone. Par contre, c'est vrai que c'est pas du tout aussi agréable que l'époque. C'est vraiment un jeu qui est fait pour jouer sur manette, parce que même le contrôle, alors tu peux sauvegarder, hein, sur ton smartphone, mais le contrôle de Sonic, il est beaucoup moins précis en fait que sur la Mega Drive. Je l'ai toujours, hein, la Mega Drive, elle fonctionne toujours, mais les manettes, elles ont un peu vécu quand même, parce qu'il y en a eu des sauts de Sonic, donc pour attraper les rings, donc forcément au bout d'un moment ça commence à fatiguer. Mais ça, j'en doute pas. j'ai pas connu très peu la Nintendo pour ma part. J'ai eu l'occasion de jouer après à la GameCube chez mon cousin. Où pour moi le Smash Bros Melee, t'en parlais tout à l'heure, ça a été un énorme comment dire, j'ai jamais compris. C'est-à-dire que c'est, il y avait, on jouait à 4 dessus et j'ai jamais réussi à cerner qui j'étais, ce que je devais faire, si j'étais dans le décor, si on me renvoyait, si j'arrivais dessus. Ça, pour moi, ça a été vraiment un méli-mélo ce principe de Smash Bros. Et pourtant un excellent. Mais en jeu, fait, hein. Smash Bros, c'est pas comme un jeu de combat classique, tu vois, la Tekken ou quoi. Ouais. Il faut que tu tapes ton adversaire et il a un pourcentage en fait en bas de l'écran. Ouais. Et plus son pourcentage est élevé, et plus il a de chance d'être, enfin de chance ou de malchance pour lui, d'être éjecté de l'arène. Ouais. Et le but c'est que bah tu le fasses dégager de l'écran. Ouais. Ouais. Non mais en fait mon cousin était fort hein, là-dessus, en plus c'était sa console, donc des fois j'étais éjecté de l'écran, je le savais même pas. il est où mon joueur là sur le vaisseau. Juste le laser qui t'avertissait, tu sais, vous avez été éjecté. Mais ouais, mais en plus parce que derrière t'as un décor qui bouge dans Smash Bros. Ouais. Melee, donc entre le décor qui bouge, les personnages qui bougent sur l'écran, etc. Ouais, quand t'as pas l'habitude, j'ai trouvé ça dur à suivre. Mais ça vient sûrement de moi. Mais sinon les Mario Kart, ouais évidemment, ça c'était un des jeux phares. De l'époque, et ça l'est toujours d'ailleurs, parce que tu peux toujours t'éclater sur des Mario Kart. Après j'ai eu un gros passage ordinateur aussi, parce que petit j'avais la chance d'avoir un ordi à la maison, mais alors avec les disquettes souples hein, à l'époque, vraiment les disquettes à l'ancienne, et j'avais des jeux, alors j'avais l'un des premiers Fly Simulator, où quand tu le regardes maintenant tu dis que ouais, c'est une série de traits, c'est même pas des polygones hein, c'est des traits pour le coup, pour t'indiquer la piste d'atterrissage. Des jeux, bah, on en avait parlé l'année dernière, j'avais fait une vidéo dessus qui est disponible sur indestar.fr sur le premier SimCity qui était sorti en 89, qui m'avait assez marqué parce que c'était un des premiers jeux comme ça de building, de gestion de building, comme après les jeux, non c'est pas César que tu parlais tout à l'heure, c'est Age of Empire. Voilà, même si c'est pas exactement le même concept, mais on a voilà, ce principe qui se rapprochait de Dune 2000 aussi, qui était très en vogue à l'époque, où tu devais attaquer des gens, tu devais construire une civilisation, etc. etc. Donc voilà, il y avait ça, il y avait un jeu de bagnole dont j'ai eu l'occasion de retrouver très récemment, qui était un des premiers jeux en pseudo 3D. Mmh. Mais en pseudo 3D, parce qu'en vrai c'était de la 2D, mais avec un effet 3D. Et sur DOS quoi, donc voilà, ça a largement évolué. Et après cette période là, bah, à mon adolescent, j'ai eu la PlayStation 2. Donc PlayStation 2, où j'ai eu des jeux comme Gran Turismo, qui était le Gran Turismo combien, 3, 4 peut-être, 4, ouais, je sais plus. Ouais. Mais sur la 2, c'est t'as le 3 et le 4. Ouais, bah je crois que. Ah bah ça devait être le 3. Parce que j'avais eu l'occasion de jouer chez des amis au 1 et au 2, et je crois que j'ai eu le 3, ouais. Qui était quand même hyper bien réalisé pour l'époque. Jeu de bagnole pas mal, hein, parce que c'est pareil, sur PC j'avais eu l'occasion de jouer au premier Need for Speed. Et puis Minton Madness 2, dont j'en parle à chaque émission, on parle de jeux vidéo. Mais il est génial ce jeu, Minton Madness, c'était une tuerie. Mais moi ça a été tout mon. En plus j'avais la chance sur ordinateur d'avoir un volant, et j'ai passé des heures. Ouais, dans les bouchons de San Francisco avec ma voiture à attendre et à me croire en vrai conducteur ou conducteur de bus, etc. Et ouais, non, ça c'était un des premiers open world de comment dire en voiture avec driver à l'époque, ouais. Etc. Et ouais, je me suis éclaté sur Nintendo. C'était le premier jeu de simulation, c'est ce que tu es en train de dire? Non, pas de simulation, de open world en fait, le fait de pouvoir se balader librement dans la ville, et ouais. C'était à l'époque, on n'avait pas encore la DSL. Et du coup j'allais télécharger avec le petit forfait internet que j'avais à l'époque, j'allais télécharger des voitures que tu pouvais rajouter dans Minton Madness 2, une voiture de 3 mégas, ce qui est rien en poids aujourd'hui, et surtout si vous avez la fibre ou une ADSL correcte. À l'époque ça mettait une demi-heure pour télécharger. Donc en fait, et tu savais pas ce que t'avais au bout, parce que des fois c'était injouable comme voiture, parce que c'était mal réalisé, etc. Donc tu pompais la connexion internet et t'empêchais tes parents de téléphoner pendant une demi-heure pour télécharger une nouvelle voiture dans Minton Madness 2. Et mais c'était c'était un très bon jeu. J'ai des très bons souvenirs avec ce jeu là. C'est l'un des jeux vidéo auxquels j'ai le plus joué, avant Minecraft. Au début des années 2010, où sur PC en bêta, on a commencé un peu à jouer à Minecraft, et c'est vrai qu'on y a passé quand même, ouais, sur 2-3 ans, on y a passé quand même pas mal de temps, quoi. Et voilà. Mais PlayStation 2, ouais, c'était ma console que j'ai toujours d'ailleurs chez ma mère, mais consoles où on a joué à Tekken, où on a joué à Gran Turismo, où on a joué à... Il y avait les jeux de rallye aussi, je me rappelle plus, World Rally Championship, c'est ça. Et puis tout un tas d'autres jeux. Voilà. On n'en avait pas 36 000 jeux parce que ça coûtait cher, ça coûte toujours cher un jeu vidéo aujourd'hui. Hein. Ouais, toujours. Mais en tout cas, ouais, on a fait des bonnes parties. Voilà pour mon expérience de console récente. Alors au niveau du prix des jeux, ouais. Si on regarde bien, un jeu sur PS2 à l'époque, ça coûtait à peu près 60 euros. L'équivalent aujourd'hui, ouais. Maintenant, on est sur 69 euros. Ouais. Là, les nouveaux PS5 et Xbox X, on est sur 79. Ouais. Donc, ça augmente légèrement, mais par rapport au temps qui passe et à l'amélioration du jeu, on est plutôt gagnant, quand même, je trouve, par rapport au niveau tarif. Alors, justement, je vais vous poser peut-être une colle. Alors, sauf erreur de ma part, d'après vous, si on remet en francs constants ou en euros constants maintenant, ouais, avec quel l'inflation, est ouais. le jeu qui a été vendu le plus cher? Ah, le plus cher. Un jeu courant. D'accord. Ah, je crois qu'il y a un Mario qui s'est vendu à plus de 5 000 ou 6 000 dollars aux enchères il n'y a pas très longtemps. En grande série. Hein, ah ouais, vraiment, genre les jeux que t'achètes 79 euros ouais. maintenant, un jeu qui était particulièrement cher à une époque. Ouais, alors si on retranscrit le prix maintenant, ouais. il serait vendu 149 euros. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, c'est un jeu de combat. Street Fighter? Street Fighter de Wii. Ouais. À l'époque, il valait 650 francs. Ah ouais, et pourquoi? Et sur quel support? Sur Super NES. D'accord. Ah, le jeu était beaucoup plus cher que les autres jeux de la même génération, enfin sur la même console. À l'époque, oui, il a fait un carton d'ailleurs, malgré ouais. le prix. Mmh. Et si on le réactualise, le prix, voilà, je cherchais le ouais. mot, il serait actuellement, on va dire, aux alentours de 150 euros. D'accord. Ah ouais, c'est. Ah, t'as les jeux de Neo Geo aussi qui sont comme ça, où certains jeux coûtaient plus cher que la console. Ah ouais. Ah ouais. C'est comme les cartouches d'encre. C'est Neo Geo, c'était sur. C'était quelle marque ça? C'était. Alors, qui c'est qui fait ça déjà? C'est pas Nintendo? Non, non, non. Attends, parce que je vais. Deux petites minutes, je fais un aller-retour dans ma chambre, je vais tricher, je vais regarder ma Neo Geo. Pas de soucis. Ah, je suis content, j'ai posé une colle à Julien, je suis content. Mais c'était pas des jeux de grand diffusion, ça, par contre. Non, bah, Si, c'était SNK, voilà, merci. D'accord. Merci, ma Neo Geo. ouais, donc, non, c'était. À la base, c'était une borne d'arcade. C'est la Neo Geo AES, qui est une borne d'arcade, et après, t'as la MVS. Qui était vendu au grand public en tant que console. D'accord, mais qui a pas cartonné. Et après, il y a eu la CD, il y a eu la Pocket, il y a eu la Pocket Color, il y a eu. Qui a pas cartonné. Mais... Non, les autres ont pas cartonné, mais celle qui était la copie salon de la version arcade, ouais. elle a cartonné. Mais par contre, c'était très cher, donc du coup, il y avait peu de monde qui pouvait se permettre de l'avoir. Ouais. Et ça a continué après à être très cher. Une série comme Street Fighter et. Tous ces jeux-là, finalement, GTA, je vais dire, ça n'a pas été de telle série, ça n'a pas été en millions, dizaines de millions d'exemples. Ah non, moi je te parle pas en termes de vente, je te parle en termes de prix par rapport aux jeux oui, et que moi, une console qui coûte cher, quoi. Voilà, moi je te parlais par rapport aux jeux qui ont été le plus diffusés. Ouais. Lequel a été vendu le plus cher, ouais. en prix réactualisé. Ouais, mais Street Fighter, ouais, bah ça, enfin, c'est pas que ça m'étonne, c'est que. Ouais, enfin c'est aujourd'hui c'est standardisé de toute façon en termes de prix. C'est-à-dire que t'en parlais, Julien, oui. un jeu ça va être 69, 79 euros les jeux, ce qu'on appelle les triple A, là les gros jeux vidéo qui ont demandé un budget énorme à produire aussi, mais qui seront vendus certainement aussi par un millier voire par million. Mais c'est assez standardisé, alors qu'à l'époque il y avait peut-être moins de standards, donc du coup chacun pouvait mettre le jeu à son prix de vente. Et après, oui, et puis peut-être qu'ils n'avaient pas compté un amortissement du développement sur autant d'exemplaires. Donc, ouais. Ils avaient peut-être aussi l'amortissement du développement sur un nombre moindre. Ça, oui, c'est possible. Bah, parce que jusqu'aux années 80, le secteur du jeu vidéo était quand même bien moindre que ce qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, il a continué à évoluer. Et d'ailleurs, j'ai oublié de te poser la question tout à l'heure, Julien, mais on parlait de la parité homme-femme sur l'utilisation des jeux vidéo. Est-ce que ça serait pas le monde du mobile, le jeu mobile, qui a rééquilibré un petit peu les choses en fait depuis une dizaine d'années? Alors rééquilibré, je dirais pas forcément. Ouais. Ça a commencé vraiment. Comment je pourrais dire ça? Ou avec quand des consoles y a eu comme la sortie Wii des Sims sur PC. Ah ouais, les Sims. Le premier Sims, il y a eu un énorme engouement de la part des filles. Ouais. Et en fait, elles se sont dit, bah, nous aussi, on a le droit de jouer. Et elles se sont mis à jouer parce que au début, c'était vrai que c'était un monde assez restreint de garçons. Ouais. Il y avait beaucoup de jeux d'aventure ou de bagarre ou de. Et donc forcément, bah, les filles n'étaient pas trop. Intéressé par ça, quoi. Bah, surtout, puis, j'ai l'impression. Les studios ont commencé à développer en disant, faudrait peut-être les prendre en compte aussi. Et maintenant, on est arrivé, c'est la parité totale. Il y a autant de filles que de garçons qui jouent. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs périodes parce que c'est vrai que quand on regarde les jeux vidéo des années 70, pas sur les bornes d'arcade, mais sur les consoles de salon, on voyait qu'il y avait quand même pas mal de femmes qui jouaient aux jeux vidéo et c'était quasiment la parité. Et puis après, en fait, dans les années 90 et notamment la PlayStation, hein, avec pas mal de jeux de baston, de jeux qui sont un peu plus connotés masculins, a fait que ça a un peu fait chuter en fait cette parité. Qui a repris un peu du poil de la bête. Alors tu vois, oui, les Sims sur des consoles typiquement comme la Wii par exemple, où c'est très familial, donc c'est aussi des consoles où tout le monde peut s'y retrouver. Et puis alors t'as un jeu qui a été très important aussi et t'as bien fait de reparler de la PS1. Ouais. C'est Tomb Raider. Ouais. Parce que ouais. Ça a été l'un des premiers jeux où on avait une héroïne féminine. C'est vrai. Et donc du coup les femmes ont pu se transporter dans la télé en disant c'est moi, voilà, s'identifier, merci. Ouais, ouais. Et donc du coup ça c'est bien, et c'est vrai que elle en avait besoin. Ouais. Ça fait quand même un peu cliché les comment on appelle ça, les Tomb Raider. Bah cliché, c'est-à-dire La nana super. Oui, mais en fait, non mais. Enfin, bien faite. Ouais, mais c'était développé par des mecs, donc si tu veux, forcément. Oui, non, mais je veux dire, il y a un côté cliché qui ressort quand même, quoi. Ouais, mais évidemment, mais en fait, c'est un titre qui faisait plaisir à tout le monde parce que tu le dis, Julien, les femmes, ça leur faisait plaisir d'avoir pour une fois une héroïne dans ce jeu, et les mecs, ça leur faisait tellement plaisir d'avoir une héroïne avec qui jouer. donc voilà, et puis cette héroïne, effectivement, elle avait des arguments, donc c'est pour ça que ça a aussi bien marché aussi. Et anecdote. Sur Tomb Raider et justement sur sa fameuse poitrine, c'est que l'histoire, enfin en tout cas la légende veut que ça serait un des développeurs qui a voulu s'amuser avant d'aller partir déjeuner, etc. Il a modifié les valeurs de la poitrine de Lara Croft en se disant on va faire un bon canular, on va lui augmenter la poitrine à fond, et puis finalement ça a été validé comme ça parce qu'ils se sont dit que c'était plutôt une bonne idée et ça fait le charme de Lara Croft. Voilà, qui s'est un peu calmé hein, d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais sa poitrine a diminué sur les derniers opus. Hein. Oui. Mais elle est, elle est beaucoup plus réaliste. Elle est plus réaliste. Beaucoup plus aux vraies femmes. Là, c'était un cliché dans les premiers Tomb Raider. Exactement. Non, mais elle est passée dans les mains d'un chirurgien. Réduction mammaire. Réduction mammaire, évidemment. Il en a profité pour l'arrondir aussi, la poitrine. Daniel, on va parler des prémices du jeu vidéo avec toi. Est-ce que ça a changé dans la pop culture et comment c'est devenu justement un sujet de pop culture? Après Jack Coco, qui a un titre original pour nous, Some Kind Anyway, sur Indestar dans cette émission spéciale jeux vidéo. Dès 21h, c'est l'émission à la maison sur Indestar. Et on donne pas d'heure de fin hein, parce qu'on sait pas à quelle heure on va finir. Mais en même temps, c'est le week-end. Hein, profitez-en tranquillement installés dans votre canapé pour suivre cette émission spéciale jeux vidéo sur Indestar avec Julien qui est notre invité. Et on va remonter un peu dans le temps avec Daniel parce que on sait que Daniel aime bien remonter dans le temps. Parce que c'est, homme du passé, de présent et peut-être du futur. Je suis passé pour être présent dans ton futur, comme disait MC Solar à l'époque. L'origine du jeu vidéo, c'est hyper intéressant parce que oui, aujourd'hui, on a l'habitude de jouer sur des consoles avec des graphismes de fou, sur PC avec des configs aujourd'hui, on a réellement des choses qui nous rapprochent totalement de la réalité. mais c'était pas le cas, notamment dans les années 50, 60, 70, où fallait plutôt s'imaginer la scène qu'autre chose, hein, Daniel. Absolument. Alors, je vais pas remonter si loin, parce que sinon, on va encore y passer des heures avec la préhistoire du jeu vidéo. En 1885 Comment ? Non, je disais en 1885. Ah ! C'était il y a longtemps. Tout à fait. On va remonter seulement en 1972, la date de sortie de la première, ce qu'on va appeler vraiment l'ancêtre, la meilleure de toutes les consoles, l'Odyssée de Magnavox. Ouais. Et qui, elle, comme tu disais, bah, c'était un point qui se déplaçait avec des barres. Alors, en plus, sur celle-ci, il fallait mettre parfois des calques. Il y avait un total, je crois, de 24 ou 26 jeux qui sont sortis sur celle-là. Alors, parfois, il fallait mettre des calques sur l'écran. Oui, rappelle-nous le principe des calques, parce que c'est assez drôle, en fait, de s'imaginer ça aujourd'hui. Oui, donc les obstacles n'existaient pas en réel sur l'écran comme on a maintenant. Ouais. Simplement, il y avait un calque pour dire, bah, c'était la limite du terrain, par exemple. Ouais, ouais. Si le petit carré blanc qui symbolisait la balle dépassait la limite du terrain, et bah, donc tu collais. Comment ça marchait en fait pour que ça tienne sur l'écran, parce que c'était les écrans cathodiques bombés, etc. Comment ça s'était collé dessus? C'était par grâce à l'électricité statique. On le posait, ah ouais, d'accord. Et ça tenait. Ok, très bien. Tout simplement. Okay. Voilà. Donc voilà, c'est un peu la mère de toutes les consoles. Mais moi, je veux plus vous parler d'autres choses, d'anecdotes, de réactions des gens, de. Ouais. De l'achat de ma première console. Tiens, bah, je vais commencer par ça après tout. Daniel, première console de jeu. Daniel, pour terminer, est-ce que t'as le prix de la Odyssée? Non, je ne l'ai pas, non. C'était 100 euros. 100 euros, mais 100 euros, là, tu comptes pas l'inflation. Donc, en fait, pour l'époque, c'était quand même cher. À l'époque, hein. C'était 100 euros. Ouais. Ouais, donc c'était quand même un sacré budget, en fait, surtout sur un marché naissant où t'avais qu'un seul jeu, puisque c'était un Pong, ouais, ou assimilé. Voilà, au début, oui, il y avait que le premier jeu. Après, ils en ont développé d'autres. Alors, d'ailleurs, petite anecdote aussi, les toutes premières Odyssée sont sortis avec des boîtes en bois, hein, si je me trompe pas, Julien. Allez. Ouais, et le prototype s'appelait la Brown Box. Et c'était un truc fait avec que des condensateurs, des choses comme ça. C'était un truc fait un peu à l'arrache, mais c'était le prototype de la Magnavox, la toute première. Et du coup, c'était d'accord, énorme, non? D'accord. Ah, c'était énorme. Bah, le transfo de cette console-là, elle faisait la moitié de la console. Ouais, ok. Ouais, c'était que de l'analogique, hein. Le bien numérique, sûr. On connaissait pas. On en était qu'aux prémices, vraiment. Oui, l'HDMI, ça pas. Ouais, si vous avez ce genre de console, ne cherchez pas. Bah, moi, la console que j'ai qui doit dater, alors dans ces années-là, hein, doit dater de 73-74 par là, c'est au niveau du branchement, c'est la prise antenne en fait, parce que c'était la seule, oui. La seule prise que t'avais sur les télés. Il n'y avait pas de prise Péritel encore. Et donc, c'est avec la prise antenne que ça se branchait sur la télé. Ouais. Donc soit t'avais la télé, soit t'avais la console en fait. Oui, alors une petite anecdote justement là-dessus, alors je parlerai de ma première console plus tard, c'est pas grave. Un argument pour les parents qui voulaient pas que les enfants branchent la console sur la télé, ça va être, tu la branches sur la télé, ça va abîmer la télé. Ça va abîmer. Ouais. Alors on demandait pourquoi, bah ça va abîmer la télé. Bon, d'accord. Oui, manque de chance, moi étant électronicien, quand j'ai acheté ma première console, je revois ma mère me dire exactement la même chose. Daniel, tu vas abîmer la télé. Ouais. Je lui ai dit, écoute, maman, je suis électronicien quand même, je sais comment ça marche. Et là, je la reverrai toujours un peu renfrognée, en train de marmonner, je sais pas trop quoi, j'ai jamais su quoi. Mais c'était quoi? C'était une légende qui courait en fait, comme quoi le jeu vidéo pouvait abîmer la télé. Oui, c'était une légende, ouais. Un bruit qui courait. D'accord. Comme on avait la légende que dans les tubes cathodiques, il y avait des caméras pour nous surveiller. Ah, déjà à l'époque, c'était Big Brother. Ouais. C'est pour ça qu'elles étaient si épaisses. C'est pour ça. Voilà. Alors, j'en viens à l'achat de ma première console, qui est une Radiola TO3. Ouais, Radiola qui faisait des téléviseurs, qui faisait des choses comme ça aussi. Voilà. Ouais. Alors, c'était la même que la Philips Enprante. D'accord. Tu vois laquelle c'est, Julien, la Philips M30? Ouais, mais j'ai la C52, moi, c'est le modèle au-dessus. Ouais, c'est la M30. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, je me rappellerai toujours, donc j'habitais dans un village de 500 habitants à l'époque. Ouais. 2000 peut-être. Et il n'y avait pas encore de grande surface. Donc, on allait acheter la télé au petit magasin du coin. Et un jour, en passant chercher mon pain, qu'est-ce que je vois dans la vitrine? La boîte, cette console. D'accord, qui était la seule disponible. À ma prochaine paye, je l'achète. Ouais. La paye suivante arrive, je rentre dans le magasin tout fier. Le vendeur arrive et... Bonjour monsieur, que désirez-vous? Je viens pour acheter la console. Mm-hmm. Et là, le type me regarde, bouche bée. Je lui dis, la console, oui. Et là, il se retourne vraiment vers la console, la montre du doigt. Ouais. Il me dit, ça? Vous voulez acheter ça? Même lui, il croyait pas, en fait. Il croyait pas du tout. Il avait dû prendre la console pour faire plaisir à son fournisseur, pour faire un effet dans sa vitrine. Et pour avoir un ensemble magnétoscope télé console radio là. Voilà. Et pour donner une idée à l'époque de la façon dont était quand même perçu le jeu vidéo, c'était quelque chose presque d'extraterrestre de jouer au jeu vidéo, en plus en campagne. Ouais, bah ouais. C'était même pas en ville. Et justement, voilà. Alors toi, t'as vécu ça, t'étais un des pionniers finalement à avoir une console de salon. Ah oui, tiens, j'étais pionnier, tiens, c'est pas mal, ça me plaît ça comme terme. Hein. Mais comment, quand t'as eu ta console, à part ta mère qui t'a dit ça a abîmé la télé, mais avec tes potes, avec les gens qui ont découvert après la console et puis le début en fait de cette industrie là, comment ça a été accueilli, alors sur ton expérience personnelle et puis comment tu l'as vu autour de toi et dans les villes? Alors, parmi les copains, les copines, il y a eu beaucoup de curiosité. Ouais. Genre, ils venaient à la maison pour jouer aux jeux vidéo. Ouais. Oui, pour voir. Alors d'abord, ils me demandaient comment ça fonctionnait. Il fallait d'abord que j'explique. Ouais. Donc, il fallait tourner le bouton, sélectionner le jeu, tourner le bouton. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais il fallait quand même montrer pendant quelques dizaines de secondes le fonctionnement du marquage de score qui était automatique. Ouais. Ah, t'avais le marquage de score automatique? Oui, alors pour l'anecdote, il y avait donc le marquage du score, c'est une RAM. Ouais. Mais on n'avait pas 16 gigas de RAM. Non, bah non. Non, on avait 128 octets. Ouais. Non, mais parce que je te dis ça, parce que moi, sur la console que j'ai, les scores, ils sont à noter. En fait, sur la console, tu as deux petits curseurs. Et qui correspondent aux deux joueurs, et en fait les points sont à noter manuellement, quoi. Tu montes ton curseur. Alors, C'en est une vraiment de première génération. Hein. Ouais, bah ouais, il n'y avait pas de score automatique. Alors je vais travailler aussi, vous peut-être casser un mythe. Les consoles, surtout deuxième génération, sont construites quasiment toutes autour du même type de microcontrôleur. Ouais. La référence pour les puristes, c'est un AY38500 et après. Et suivant, donc 501, 502, etc. Le 6 est encore disponible en pièces détachées aussi. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de consoles qui se ressemblaient et le microcontrôleur permettait donc d'avoir déjà le programme pour le jeu et d'avoir cette fameuse RAM qui permettait d'avoir un score automatique, ce qui faisait qu'il n'y avait plus de discussion pour dire j'ai marqué, j'ai pas marqué, ouais. Triche, t'es pas tricheur, le jeu avait décidé. C'était l'une des premières avancées. Mais en même temps, tu disais le même processeur à l'intérieur, mais ce qui est pas une mauvaise idée, parce qu'en fait, si ça fonctionnait sur ça, sachant que tous les jeux, enfin toutes les consoles qui sortaient avaient le même jeu, finalement, on était sûr que ça fonctionne, quoi. Absolument, oui. Après, c'était tout le design d'un côté qui changeait, alors notamment l'ergonomie des manettes. Cette console là, la Radiola TO3, donc a amené à un niveau d'ergonomie qu'il n'y avait pas sur les consoles précédentes, parce qu'avant, alors même sur les toutes premières, j'en ai vu des toutes premières avec les potentiomètres, les boutons donc pour tourner, pour déplacer verticalement. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est un petit point qui était sur la console. Ouais. Ah oui, sur la console. Après, oui. Avec un fil, on avait un petit bouton qu'on tenait toujours plus ou moins bien avec souvent une grosse boîte carrée. Alors, on avait un petit bouton d'un côté, puis une grosse boîte carrée de l'autre. C'était pas très pratique non plus. Ouais, c'est ça. En termes d'ergonomie des manettes, par rapport à ce qui se fait maintenant sur les consoles récentes, où il y a vraiment un travail d'ergonomie des boutons, de toucher, etc. Là, à l'époque, ils s'embêtaient pas. Hein. C'était un carré que tu tenais dans ta main avec un bouton modulable au-dessus, enfin comme un bouton de volume en fait, hein, dessus. Et puis c'était tout. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Et celle-ci, donc la fameuse Radiola TO3 ou Philips N30, qui sont de toute façon les mêmes, avait vraiment une poignée ergonomique. Ok. Ah ouais. Voilà. Ouais, alors, j'avais fait une fois aussi un gag avec des amis qui étaient venus. Je leur ai dit, bon, ils savaient que c'était ma console, donc je jouais bien. Et on avait fait un tournoi un jour. Et le vainqueur devait m'affronter. Ouais. Alors, bon, le résultat, il a pris 15. Non, je ne l'ai pas laissé 15-0. Je l'ai laissé marquer un point quand même. Oh, c'est trop gentil, grand seigneur, Daniel. Il était un grand joueur. Et au moment de la finale, bon, il y en a un qui se débrouillait pas trop mal dans le lot. Et il était face à un autre. En gros, il jouait aux jeux vidéo quand il venait à la maison, parce que lui, ses parents, c'est pareil, c'était même pas la peine de compter d'acheter une console. Mm. Et on a fait une blague à celui-là qui jouait pas trop mal. À un moment du jeu, je lui dis, passe-moi ta manette. Donc, ouais, il me la passe discrètement. Et petit à petit, celui-là qui jouait pas trop mal voit celui-là qui jouait pas bien se mettre à jouer bien. Et il s'en était pas rendu compte. Et on a commencé. Il s'en était pas rendu compte. On l'a fait enrager comme ça, il commençait à râler, mais c'est pas possible, tu savais pas jouer. il a su d'un coup. En si peu de temps. Après, je lui ai dit, quand il a vu ça, il m'a dit, bon, bah, c'est bon, j'ai compris, j'ai perdu. J'ai dit, bah, on va quand même faire la finale quand même. Ouais. Voilà. Alors, autrement, après, il y a eu les bornes d'arcade, et là, moi, j'étais passionné par un jeu, c'était Space Invader. Ouais. Qui est sorti donc en 77, hein, Space Invader, qui était un des... Enfin, il y a eu Pong, et après, il y a eu Space Invader qui a tout raflé, quoi. Ça faisait partie des gros, des gros jeux, quoi. Et c'est vraiment, on va dire, lui un peu avant Pac-Man, parce qu'il y a eu le casse-brique en jeu de bar qui n'a pas trop bien marché. Mais vraiment, Space Invader, c'est lui qui a commencé à casser un peu le flipper. Quand ouais. Le traditionnel flipper. D'accord. Donc oui, les bornes d'arcade, est-ce que ça a permis de démocratiser un peu le jeu vidéo? Parce qu'il y avait des consoles de salon déjà à l'époque, mais est-ce que c'est le fait d'avoir des bornes d'arcade et que en fait il y ait beaucoup de gens qui voient le secteur du jeu vidéo à travers ces bornes d'arcade, est-ce que c'est ça qui a fait que les gens se sont dit bah pourquoi pas avoir une console dans notre salon aussi? Alors je pense, personnellement je le pense, parce que moi, par exemple, je jouais beaucoup sur Space Invader. Il y en a d'autres, ça a été d'autres jeux comme Pac-Man, ou il y a eu d'autres jeux. Hein. Ouais, bien sûr. Et je me rappelle très souvent, quand je jouais, moi, à ce jeu-là, j'ai souvent eu d'ailleurs les records dans les bars, les gens venaient derrière moi me regarder jouer. Ah ouais. Ouais. Et donc ça attirait, quoi. Ils étaient attirés et ouais. Je pense que les bornes d'arcade dans les boissons, de toute façon, ont quand même beaucoup aidé à la démocratisation de la console de jeu chez soi, de salon. Donc, okay. Je pense. Ok. Donc là, on remonte dans les années 70, hein, où on découvre le jeu vidéo au début des années 70 et jusqu'à la fin où c'est quand même bien démocratisé, jusqu'au fameux crash de 83 où ça se casse la gueule. Mais il y a quand même une vraie décennie d'évolution du jeu vidéo là-dessus, quoi. Oui, et il a fallu, d'ailleurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la NES avec Mario, Super Mario, ouais. Super Mario, pour vraiment relancer le secteur, parce que il y a de toute façon le problème. Donc en 83, il y a eu tellement de gens qui se sont lancés dedans, aussi bien au niveau développement, de gens qui ont fait n'importe quoi. Ah bah c'était la poule aux œufs d'or, hein, c'est-à-dire que en peu de temps, parce que bon, graphisme de l'époque aussi, mais en peu de temps, on pouvait développer un jeu et espérer en retirer beaucoup d'argent. Voilà, c'était vraiment le nouveau secteur qui émergeait et qu'il fallait miser dessus. Mais sauf que faut pas faire de conneries non plus, parce que sinon, si tout le monde se met à faire des conneries, ça devient un secteur qui implose. Quand on prend les gens pour des Google, à un moment donné, ça implose. Hein. Alors, c'était en plus aidé parce que pour écrire un programme à l'époque, on n'avait pas des gigaoctets, des milliers, des millions de lignes. C'était assez concis par rapport à maintenant. Donc, je vais pas dire en quelques jours, mais en quelques semaines, on pouvait mettre un programme de jeu vidéo au point assez facilement quand même. Hein. Ouais, bien sûr. Bah après un jeu comme Tetris par exemple. Alors Tetris, je sais pas l'année de sortie de Tetris, ces années 70 85 aussi. 85. Ah c'est beaucoup plus ah oui c'est beaucoup plus récent Tetris, d'accord, ok. Mais c'est enfin des jeux même comme si on prend Pong évidemment hein, qui est un peu l'origine de tout, mais c'est vrai que Pong au niveau de la programmation, ouais, il y a pas grand chose, mais par contre le principe du jeu, aujourd'hui encore, on peut jouer des heures à Pong, ou plus récemment un jeu qui était dans le même style qu'on avait sur nos téléphones portables. Alors, rappelle-toi Julien, à l'époque du collège, où on avait Snake, sur le 3310. ça peut être hyper basique le Snake, mais en même temps c'est un jeu, on pouvait passer des heures à jouer à ce jeu-là, parce que c'était hyper addictif. C'était addictif. Ouais. Complètement. Mais moi, pendant mes études, je l'avais retéléchargé parce que j'avais explosé mon téléphone et du coup, j'en avais acheté un à 10€ à la Fnac. Ouais. Il y avait le Snake dessus et du coup, je jouais en cours et tous ceux autour de moi qui avaient des smartphones avec des jeux de ouf, ils voulaient que je leur prête mon téléphone. Ah, trop bien. Pour pouvoir jouer au Snake. Quoi. Mais et dis-moi, Martin. C'est pas bien, hein, ne faites pas ça chez vous. Ouais, c'est ça. C'est jouer aux jeux vidéo en cours. C'est la gloire du lycée, là, Martin. Il n'y a pas comme un problème déjà dans l'énoncé. Ah là là, je te jure. Bon, on va terminer par un quiz. On va voir si vous étiez bon élève ce soir, si vous avez appris des choses, plutôt que de jouer aux jeux vidéo en même temps. Le quiz pour terminer l'émission qui arrive dans un instant avec des jeux vidéo anciens, récents, consoles anciennes, récentes, donc il y en a pour tout le monde. Cette question, vous pouvez vous préparer aussi à la maison avec vos ardoises ou papier crayon, et puis on déterminera quel est le meilleur geek d'Indestar juste après avoir écouté une reprise de Phoenix 1901. C'est signé Millésime maintenant sur Indestar. Vivez le confinement avec nous sur Indestar, c'est l'émission à la maison. Et c'est le quiz dernière ligne droite avant la fin de cette émission. Déjà, hein, en même temps, on a beaucoup parlé sur les jeux vidéo, mais on aurait encore tellement en dire sur cet univers qui est très vaste. Et puis, c'est vrai qu'on peut remonter loin pour les prémices du jeu vidéo avec tout ce qui s'est passé dans cette industrie qui, aujourd'hui, est une industrie majeure. Hein, quand on voit les millions qui sont dépensés, notamment pour des GTA et compagnie, c'est absolument affolant. Mais en même temps, ça se vend bien et c'est tellement beau qu'on comprend pourquoi. On termine avec le quiz. Alors oui, vous pouvez jouer à la maison, vous préparez une feuille, un stylo pour jouer en famille. Et puis dans l'équipe Indestar, on a Daniel, on a Martin, on a Jolan et on a Julien qui vont s'affronter sur cette question. Alors je vais marquer, je comptabilise les points. Donc j'ai dit Julien, Martin, Daniel et Jolan. Ok. Alors, il y a des questions sur les consoles, il y a des questions sur des références aux jeux vidéo. On va voir si vous êtes incollables là-dessus. Le principe, je donne donc la question avec trois propositions. Je vous laisse un petit peu réfléchir. Et après, je vous pose la question à chacun de vous et on valide la réponse pour terminer. Alors, on va commencer par une console Nintendo. Que signifie... On commence par du facile. Hein. Que signifie le sigle NES ? Est-ce que ça veut dire New Entertainment System ? Namco Entertainment System ou Nintendo Entertainment System? À votre avis, que signifie NES? Je vous laisse réfléchir et je vais poser la question à Jolan. Il veut pas répondre, il dit rien. Si, non, mais j'étais en train de réfléchir en fait. Il réfléchit. On n'a pas le droit de chercher sur Google, hein. Non. Moi je dirais la réponse. Ça serait New Entertainment System pour Jolan. Ok. Ensuite, je vais demander. Allez, à Martin. Je dirais la troisième, Nintendo. Nintendo Entertainment System. Daniel. Moi je suis embêté, je croyais que c'était une autre réponse. Ah. Ah, je vais mettre la 2, j'hésite entre la 2 et la 3, mais je vais mettre la 2. Namco Entertainment System, ok. Ouais. Julien. Eh ben, c'est la 3. C'est la 3, Nintendo Entertainment System. Alors, vous avez vu que Julien n'a pas hésité, hein, parce que effectivement, ouais, c'est la bonne réponse. Eh ouais. Je pense qu'il faut l'interroger en dernier sur tout le jeu. Et je vais pas le faire, je vais pas le faire à chaque question, mais c'est vrai que oui, j'ai l'impression qu'il va avoir toutes les réponses, donc ça va être. Je veux pas influencer les autres non plus. Mais oui, évidemment, bah, New Entertainment System s'aurait plus. Namco, bah moins, parce que Namco c'est une marque hein, de développeurs, d'entreprises de développement. Ils ont fait quoi Namco déjà comme jeu connu? C'était des jeux de bagarre. Tekken. Ouais, c'est Tekken, ouais. Ah voilà, d'accord. Okay. Et bah Nintendo Entertainment System, effectivement, c'est ce qui était le plus logique et c'était la bonne réponse. Alors, j'ai été chercher un piège où il y en avait pas. Exactement. J'avais dit que ça commençait par une facile. Là, on rentre dans un truc un peu plus compliqué. Mais peut-être que si vous jouez au jeu, ça va directement vous parler. L'un des héros les plus charismatiques de l'histoire des jeux vidéo a lancé un « Tu veux qu'on se tire l'oreille ?» Tu veux qu'on se tire l'oreille à l'un de ses adversaires. Mais c'était qui? Est-ce que c'était Marcus Fenix dans Gears of War? Est-ce que c'était Nathan Drake dans Uncharted? Ou est-ce que c'était Solid Snake dans Metal Gear Solid? À votre avis, qui a dit « Tu veux qu'on se tire l'oreille ?» Je vais poser la question à Daniel. La 2. Nathan Drake dans Uncharted. Ouais. Ok. Je pose la question à Martin. Je dirais Solid Snake. Solid Snake, c'est dans Metal Gear Solid. Ok. Je vais poser la question à Julien. Moi, je dirais la 2, mais j'ai un doute entre la 2 et la 3. Ah ah, Uncharted. Je reste sur la 2. Je reste sur la 2. Ok. Ça lui ressemble bien, Nathan. Jolan? Tu peux répéter la 3, s'il te plaît? La 3, c'était Solid Snake dans Metal Gear Solid. Je vais répondre à 3. Tu vas répondre à 3. Et bah, c'était une bonne réponse qui donne 2 points à Martin. C'était dans Metal Gear Solid. Lors de sa rencontre assez surréaliste, hein, d'ailleurs, avec Vulcan Raven, premier, donc Metal Gear Solid, premier du nom, hein, le héros lance hein, « Tu veux qu'on se tire l'oreille ?» après que son futur adversaire lui ait parlé d'une discipline dans laquelle il excelle, c'est-à-dire le tirage d'oreilles d'Esquimaux. Voilà, donc c'est un peu une scène un peu bizarre qui arrive dans Metal Gear Solid, qui est pourtant un truc, titre un peu sérieux, et là, t'as un dialogue comme ça, qui intervient à un moment donné. Donc voilà. Bon, Daniel, c'est tout faux pour l'instant, hein. On va se rattraper. Ouais, donc c'est pas grave, hein. Si, si, je veux que tu la joues compète. Non, mais moi, j'ai l'esprit sportif, hein. C'est laisser gagner les autres, hein. Ah bon, c'est ça, l'esprit sportif? On a pas le même esprit. Je perdais, mais faut être sportif, alors je suis sportif. Ah, d'accord, ok. Alors, attention, troisième question. Quelle a été la première console portable avec un écran couleur? Est-ce que c'était la Game Boy Color? Est-ce que c'était l'Atari Lynx? Ou est-ce que c'était la Virtual Boy? Pardon, la Virtual Boy. Bon, alors, je vais pas poser la question tout de suite à Julien, parce que je pense qu'il a la réponse avec la centaine de consoles qu'il a à la maison. Je vais poser plutôt la question à Martin. Bah, j'aurais dit la Game Boy Color, mais je sens que je vais me tromper. Donc, tour toi. Je vais dire la Game Boy Color quand même. Ok, Game Boy Color. Jolan, tu dirais quoi? La Atari. L'Atari Lynx. Ok. Julien? C'est la Lynx. Ok. Daniel? Alors, honnêtement, c'est pas parce que Julien l'a mis, mais je crois que je l'ai lu il y a pas longtemps, ça doit être la Lynx. Effectivement, c'est la Lynx. L'Atari Lynx, qui est la seule console portable d'Atari d'ailleurs, et qui est sortie donc avec un écran couleur en 1989. Donc en fait, elle est sortie au même moment que Nintendo sortit son Game Boy en écran monochrome, hein, parce qu'il a fallu attendre, je sais pas, genre 10 ans avant qu'il sorte la Game Boy Color. Et pourtant, c'est la Game Boy qui a cartonné, alors que l'Atari Lynx a connu au bataillon en perso. Parce qu'elle était moins chère et parce qu'il y avait plus de jeux. Ah ouais, c'est plus abordable pour les familles, c'est bon. C'est souvent ça, hein, de toute façon. Alors oui, moins cher, et puis le côté catalogue qui fait énormément. On l'a vu après, même plus tard avec d'autres consoles, où quand t'as pas le bon catalogue, en fait, bah tu te fais laminer par tes concurrents, quoi. Même si technologiquement l'autre console est moins aboutie. Question suivante. J'ai été un aventurier comme toi, et puis j'ai pris une flèche dans le genou. À votre avis, cette phrase humoristique apparaît dans... donc, elle apparaît, c'est sûr, dans un RPG, mais lequel? Oh là là. Est-ce que c'est dans Final Fantasy 12? Est-ce que c'est dans The Witcher 3? Ou est-ce que c'est dans Skyrim? À votre avis, Final Fantasy, The Witcher 3 ou Skyrim? Oh là là là là, comme dirait Jolan, quelle est ta réponse? Ma réponse à moi ? Ouais, tout à fait. Skyrim, du coup. Hein. Sur toi, ça serait Skyrim. Martin ? Évident. Je dirais Skyrim aussi, bien sûr. D'accord. Daniel ? Bah. Il faut voir la référence. Je vais manger la majorité de Skyrim, allez, j'en sais rien du tout, en fait. Ok, tu fais à l'unanimité. Et Julien, tu dis quoi ? Voilà, ouais. Ouais, je crois que c'est Skyrim aussi. Ouais, effectivement, c'est un running gag, pardon, dans Skyrim. Ouais. Quand tu discutes en fait avec les gardes croisés, il y a de fortes. Ils répètent souvent ça. Bah oui, ils le disent parce qu'en fait, dans la culture nordique, cette expression, elle signifie qu'on s'est marié en fait, parce que t'as le genou à terre. Donc voilà. Donc, et en fait, quand tu te maries, bah t'as forcément, ils ont arrêté d'être aventuriers par la suite parce que bah, t'as les contraintes du mariage qui fait que quoi. Donc voilà, ça c'est effectivement dans Skyrim. Pas mal de bah toutes les bonnes réponses d'ailleurs. Voilà, tout le monde a suivi ce qu'on dit les premiers et c'était la bonne réponse. J'ai encore marqué des points, c'est pas bien ça. Exactement, t'as marqué des points. Mais pour l'instant, si léger avantage pour Julien et Jolan. Alors ça, c'est une grande première. Mais félicitations Jolan, espérons que ça continue. Quel était le nom de code de la Wii avant sa présentation officielle ? Donc sûrement que Julien l'avait déjà, la Wii à la maison. Est-ce qu'elle s'appelait la Mimi, avec deux I à chaque fois ? Est-ce qu'elle s'appelait la Révolution ? Ou est-ce qu'elle s'appelait la Dolphine, je pense. Donc la Mimi, la Révolution et la Dolphine, à votre avis, le nom de code de la Wii avant sa présentation officielle ? Martin ? La Révolution ? La Révolution pour toi. Daniel ? La Révolution. Je mettrai la Mimi. Tout c'est la Mimi. Oh, elle dit toute Mimi. Ouais. Julien, tu dis quoi ? La Révolution. Ok. Jolan ? Bon, écoute, hein, on va suivre Julien, c'est lui le pro. C'est bien, wesh. T'as l'air bête. C'est bien, wesh, c'était la Révolution et c'est pas mal trouvé. Bon, alors, c'est bateau hein, comme nom en vrai. Mais. En vrai, mettre comme Daniel, hein, ça m'a mis doute là. Ouais, la Mimi. Bah, j'ai lu quelque chose avec Mimi par rapport au Mi, que le nom venait par rapport à un moment du développement. Mais alors, j'ai cru que c'était la console vu que t'en parlais. C'était pas Mimi Mati. C'est par rapport à autre chose. C'est pas Mimi Mati qui est la version Mimi Mati de la console. Parce que j'avais lu que le nom des Mi était venu par rapport à un moment du développement. D'accord. De la conception de la console, et donc quand t'as parlé de ça, j'ai cru que. Mais malheureusement, c'était Révolution, et je pense que c'était par rapport aux manettes qui étaient effectivement révolutionnaires avec le. Comment on appelle ça, le chose intégrée là qui fait le retour. C'est pas un retour de force, c'est La détection de mouvement. Ouais, détection de mouvement, ouais. Ouais. Par contre, la Dolphin, c'était le nom de code de la GameCube. D'accord, ok. Et certainement que la Mimi était le nom de code d'une autre console. J'ai pas la ref, mais. Non, ça, j'ai pas la ref non plus. Non, mais pas forcément. C'était pas un nom de code. Ok. Attention. Je suis blond. J'ai les lunettes de soleil. Je suis un gros beauf. Et je dis souvent Shake it, baby. Je suis, à votre avis, Doug Duncan, Solid Snake ou Logan Paul. Je suis blond. J'ai des lunettes de soleil, je suis un gros beauf et je dis souvent « Shake it, baby ». À ton avis, Daniel ? J'en sais rien du tout. Ah ah ! Doug Duncan, Solid Snake... Logan Paul, allez. Logan Paul, ok. Jolan ? Alors moi, tu mets le doute parce que... je vais mettre Logan Paul aussi. D'accord. Martin ? Duke Nukem ? Ok. Julien ? C'est le Duke. Effectivement. Et en vrai, l'équipe, vous avez. Enfin, l'équipe de PK Avenger, vous avez pas d'excuses parce que vous avez des jingles avec Doug Duncan qui sont absolument fabuleux parce que, effectivement, il a des dialogues, il a des répliques de fou, le mec. Et c'est sans doute Doug Duncan le plus grand héros, le héros le plus beauf de l'univers vidéoludique. Hein. Parce qu'il adore prononcer des phrases très misogynes d'ailleurs. T'as Leisure Suit Larry aussi, qui est pas mal. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Teddy ne m'a jamais dit que doubler les jingles. Alors c'est de la faute à Teddy si je savais pas. Ah bah évidemment que c'est de la faute de Teddy. Teddy qui doit nous écouter là en voiture, il doit être justement, ravi. C'est pour ça, hein, Teddy, voilà, c'est de ta faute là, voilà. Le pauvre, il sort du travail, il travaille de ouf aujourd'hui, et il se prend ça dans la tête. Attention, avant dernière question. Alors, on reparle de console. Quelle était la console la plus vendue de Sega? Est-ce que c'était la Mega Drive, la Dreamcast ou la Saturn? Mega Drive, Dreamcast ou Saturn, je vais demander à Daniel. Et Julien. La Mega Drive. Julien. La Mega Drive. Martin. Merci. La Mega Drive. Jolan. Ouais, Mega Drive. Hein. Ouais, alors, c'est vrai que j'avais un peu vendu la mèche tout à l'heure parce que je vous avais parlé de la Saturn. Bon, on n'avait pas abordé le coup de la Dreamcast, mais Mega Drive, c'est 48 millions d'exemplaires vendus. La Dreamcast, c'est à peu près 10 millions, qui était une bonne console en vrai, la Dreamcast, mais elle a souffert quand même pas mal de la concurrence avec la PS2. Paix à son âme. Et ouais, et avec le catalogue de jeux en fait qui lui a fait défaut aussi par rapport au catalogue de la PS2. Et puis la Saturn, c'est seulement 5 millions d'exemplaires. Saturn qui est sorti en 94 ans. Donc voilà, un peu plus vieille. Ouais, ouais, la Sega Saturn, ouais. Okay. Je l'ai jamais connu. Eh, hey, mais j'ai dit que c'était l'avant-dernière question. Non, c'était la dernière question. Ah bah oui, c'est fini. Non. T'es fini. Ah bah, oh, c'est déjà fini. Oh oui, c'est l'heure de compter les points. Alors pendant que je compte les points, vous pouvez combler, hein, y a pas de problème. Moi je suis quatrième, vous inquiétez pas. Je sais pas. Bah, t'as été fair play, Daniel, c'est bien. Ouais, bah c'est ce que je disais, on m'a toujours dit. Et l'esprit sportif. Si tu perds, c'est parce que t'as l'esprit sportif, t'as laissé gagner l'autre. Oh là là. Voilà. Alors, non, effectivement, quatrième. Théo, t'es prévenu, je ne gagnerai jamais un quiz. D'accord, ok. Daniel, bah oui, je suis au regret de t'annoncer que quatrième marche du podium, hein, 3 points seulement dans ce quiz. Je suis pas au regret. Hein. 1 point de plus pour Jolan, qui monte sur la 3ème marche du podium, 4 points. Bravo, Jolan. 1 point de plus pour Martin avec 5 points, 2ème. Et premier, comme nous l'attendions, Julien avec 6 points. Voilà, Julien, t'as fait qu'une seule faute. C'était quoi la faute? C'était sur... Ah, oh, mais il y a Teddy qui arrive dans le studio. J'avais zappé ça. Ouais, c'était sur le héros qui dit « Tu veux qu'on me tire l'oreille ?» Bah voilà, on va tirer l'oreille parce que tu l'as... T'as mal répondu à cette question-là. Ouais, voilà. Mais je vais le refaire, le jeu, hein, parce que c'est pas normal. Je comprends. Mais tu reviendras, bien entendu, Julien. T'es le bienvenu quand tu veux. Bah, carrément, quand vous voulez, hein, pas de soucis. Avec grand plaisir. J'ai passé un très bon moment. Vous êtes une équipe super sympa. Et bah, c'est voilà, réciproque. Impeccable. Donc, je signe quand vous voulez. Et bah, merci beaucoup, Julien. Et on rappelle, donc, toi, tu es au magasin Dynamic Game qui est à Tours. Est-ce que tu peux nous donner l'adresse pour ceux qui sont dans le coin? Ouais, c'est au 45 rue Colbert. Ok. Donc, c'est pas très loin de l'arrêt de tram Anatole France. Si vous venez en voiture, il y a un parking juste en face. Je suis en face de la sortie du parking, donc vous pouvez pas me louper. Et si vous êtes à pied, il faut chercher Mario en aventure et Pac-Man en... Ah oui, il y a les classiques. Il faut chercher Mario. On a Mario. Comment ça, chercher Mario sur la vitrine et tout. Il y a Pikachu, Donkey Kong, il y a Sonic, il y a Cloud. Il y a plein de personnages, vous pouvez pas me louper. Bah ça y est, Mario est arrivé dans le studio. Salut Mario. Non. j'ai tapé un petit sprint là sans arriver à la fin. Mais non, bon. Mais t'es dit, attends, tu m'as dit tout à l'heure que tu venais de finir de travailler, là t'es déjà dans le studio? Ouais. D'accord. Il a mangé un champignon. Ouais, il a fait des grands sauces de chaboté, le mec. C'est ça. Bon bah je suis désolé que t'aies loupé toute l'émission, hein, t'es dit. Mais je n'ai rien loupé, j'ai tout écouté en direct. C'est vrai? Ouais, j'avais mon casque, j'étais là. Bon, j'étais le seul pecno avec un casque, hein, clairement. Bah les autres travaillaient, non? Peut-être. Oui, ils travaillaient. En même temps, on peut écouter l'émission et compter des trucs, vu que c'était un inventaire. Ouais, j'imagine que oui. J'imagine. Ouais. Pour les gens qui savent faire deux choses en même temps, ouais. Ouais, bah. Du coup, j'ai bien écouté. C'était vachement sympa. Mon bordel, mais bon. C'était, bah oui, c'était chaud avec Julien parce que là, techniquement au départ c'était tendu. Mais maintenant ça fonctionne bien. On peut faire l'émission jusqu'au bout de la nuit. On a bien entendu le ding-dong, ding-dong. Oui. Excellent. Mais non, ça c'était la musique de fond, t'es dit. T'as je rien note que Jolan n'est pas dernier. Oui. Aussi. C'est vrai, hein. C'est... Je note que Daniel aurait eu un problème avec Beijing. Il a écouté. Il a tout écouté, effectivement. Les GTA Like aussi, hein. J'ai entendu. Pour moi, c'est une catégorie qui n'existe pas vraiment, c'est pour ça. Il n'y a pas de catégorie qui peut s'appeler GTA Like, ça correspond à rien en soi. Et bah tu sais quoi, tu vas en débattre hors antenne, t'es dit. Ouais. Pendant qu'on va écouter de la musique, nous. On écoute Kina Granis avec Gun sur Indestar. On vous souhaite une excellente soirée. Rendez-vous lundi pour la prochaine émission à la maison. D'ici là, émission à retrouver en podcast quand vous le voulez ou où vous le voulez sur une vingtaine de plateformes. Et puis vous profitez du week-end avec toutes les découvertes Indestar, que ça soit des originales, des reprises ou des bootlegs. On est là 24h sur 24, donc profitez-en. Très bonne soirée. Merci beaucoup, Julien. À très vite. Merci, Daniel. Merci, Martin. Merci, Jolan. On souhaite une très très bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée. Bisous. Ciao, ciao. Salut, salut. Hello. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.